Bonjour Denise. Bonjour Sophie. Les micros sont ouverts. Tout va bien. Tout va bien, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de la radio ensemble. Absolument, moi je suis de retour, Denise. Et puis Sophie aussi, je suis bien contente de vous avoir avec nous. Un spécial Les Routes Enchantées 2019, spécial Noël, brandé, entre trois gorgées de brandé. Oui, exactement. Avec les trois gorgées, vous pouvez très bien deviner que chacune des gorgées va être avalée, chacune par les personnes qui sont ici présentes. Exactement. Faut bien expliquer aux gens, Denise. Des fois qu'ils auraient envie de boire. Exactement. Cet après-midi. Ils ne comprennent pas. Envelopper leurs cadeaux. Oui. Le doigt s'est tourné sur la radio comme ça. Ils ont tourné, tu vois, puis c'est par hasard qu'ils arrivent ici. Donc, CKRL 89,1 entre trois gorgées de brandy. Et je vous rappelle que cette émission-là, on l'a commencé, Claude, en 2009. Alors, c'est la 20e année qu'il y a une émission de CKRL à CKRL de musique de Noël. Malheureusement, je l'ai faite toute seule les deux dernières années, mais là, cette année, on va s'amuser. J'espère que vous autres aussi à la maison, vous allez vous amuser. Fait qu'on rappelle le but. Lorsque ça a commencé, Sophie aussi, elle va peut-être embarquer dans cette idée-là. Quand ça a commencé, l'idée, c'est qu'on avait beaucoup de mauvais disques. On s'en rappelle de ça? Oui. Hein? Oui. Puis, on avait vraiment beaucoup, beaucoup de mauvais disques, puis on voulait partager. Ça a commencé comme ça, puis finalement, on a comme dérapé vers plein de choses, Denise. Mais c'est sûr que l'objectif, souvent, on a un objectif d'écouter de la musique. C'est difficile, on a toujours de la misère à mettre un mot là-dessus. La musique qui est tellement mauvaise qu'on aime ça. Ah, c'est le qualificatif? C'est le qualificatif. Oui, oui. Ben, écoutez, il y a plein de gens qui vivent ça dans d'autres domaines, mais l'idée, c'est souvent de... On rencontre quelque chose qui nous agace, puis à force de le répéter, on finit par trouver une qualité positive. C'est étrange, mais c'est ça, là, l'histoire. Là, je pense que là, vous allez m'entendre. Ben, exactement. Oui? J'avais ouvert le micro de l'invité surprise pour moi. C'est ouais. Sophie qui fait notre mise en onde aujourd'hui. J'étais nerveuse, je l'avoue. Donc, Sophie... Qu'est-ce qu'on disait, c'est ça, exactement. Fait qu'on est parti de là, des vieux disques. Oui, toi, t'es mais vous avez commencé. Ouais, vous c'est êtes ça. Les chercheurs de musique. Moi, je ne suis que la metteuse en onde depuis toutes ces années-là, sauf quelques choix que je vous ai proposés, mais vous êtes vraiment Il y a beaucoup de monde qui ont passé sur cette émission ouais. Dans leur choix musical, ouais. Les choses qu'on a gardées, Jean-Philippe Boisbriand, Daniel Pelletier, François Gécouillard, beaucoup de monde qui ont participé à cette émission. Donc on les mentionnera durant l'émission, c'est des gens qui ont ce même intérêt-là, ou qui des fois qui sont nostalgiques, ou qui pensent à Jésus, je sais pas. En tout cas, aujourd'hui, c'est sûr que ça va tourner beaucoup autour de... Oui, on parle de Jésus cette année. Je ne sais pas pourquoi, mais Jesus est en nous, puis ça va atteindre une certaine profondeur, mais on ne fera pas de religion, non, vraiment pas. Mais quand tu demandes à des enfants, tu sais, on veut toujours qu'ils parlent les enfants, hein. D'ailleurs, durant l'émission, ça va arriver. Puis on leur demande tout le temps, ça te fait penser à c'est la fête de qui? Puis ils te répondent toujours la même affaire, c'est la fête de Jésus. Mm-hmm. Fait que là, nous autres, on n'est pas juste pour faire jouer des tunes américaines de Walmart, puis de Walt Disney, puis de... On peut pas juste faire ça. Non. Tu sais, il faut quand même le faire mention, sauf que... Enfin, je vous en dis pas plus. C'est surtout qu'on connaît pas son nom de famille, hein, Jésus. C'est vrai. Exactement. C'est de Nazareth. De Nazareth, c'est sa famille, hein? C'est ça. Mais oui, il vient de Nazareth. Mais normalement, là, ça aurait été charpentier, son nom. C'est ça. Parce Carpenter. Parce qu'il y a beaucoup de Jésus à Nazareth. Là. Il y en avait beaucoup à cette époque-là. Ouais. Et d'ailleurs, quand le petit Jésus... Il était encore jeune. Il mettait sa croix sur sa petite épaule. Et quand il savait ses leçons... Non, il donnait des petits bonbons. Un petit bouquet de fleurs. Pour mettre son petit cœur. Saint-Joseph. Le Carpenter qui mangeait des chips. Elle dit, oh, « papa, veux-tu boucher du bois? Faire des petits pois. Trois petits pois, pois. Pois. Excusez-nous. C'est une bulle au cerveau. C'est une bulle au cerveau. Mais on a pensé à ça, puis il fallait le ramener. Donc, Denise, est-ce que je rêve ou j'entends le magnifique pianiste Serge Fontaine? Veux-tu le monter un petit peu, sa fille? Serge Fontaine, il est déchaîné. On parle, là, mais... C'est-tu non, encore ça? Est-ce qu'on est rendu à un autre? Je pense qu'on est rendu à quelqu'un. Parce que Serge Fontaine, il jouait de l'orgue. Ouais, oui, qui finissait plus. Ouais, ça finissait. Ouais, c'est ça. Mais là, est-ce qu'on s'en va, par exemple, si on va commencer avec un bloc, parce que cette année, on, c'est sûr que les gens qui nous ont écoutés depuis 20 ans, ils vont réentendre des choses, mais c'est pas grave, les entendre une fois par deux ans. Là, fait que, ça fait qu'on va commencer justement un bloc qui va tourner autour de Jésus. Vous allez entendre, est-ce que je nomme les tonnes tout de suite? Hein? On va encore entendre le merveilleux Jean-Yann, une pièce de 1972 qui s'appelle « Alléluia garantie ». Ensuite, vous allez entendre Jacques Michel, ce Québécois qui est apparu sur un disque qui s'appelle « Résurrection » ou « Jésus en érection ». Et ça s'appelle « Dieu ne se mange plus », une pièce de 1973. C'était pas sur la pochette, ça? C'est toi qui as rajouté ça. Ouais. Ah, d'accord. Puis aussi l'excellent Johnny Hallyday. C'est sûr que Jésus a sûrement déjà eu une érection. Oui, effectivement, c'est sa vie privée, puis c'est pas de nos affaires. Exactement. Puis on est une émission familiale. Vous allez voir comment on va être très familial cette semaine. Okay. Hein, on fait attention. Oui, hein. On fait attention. On est gentil. Hein, on a décidé qu'on était sérieux. Oui, on va essayer. Mais porte attention tantôt en passant, Jacques Michel. Montez le volume dans votre radio si vous êtes en auto. Montez, c'est incroyable. Je le salue. J'espère qu'il nous écoute. Il est à l'île d'Orléans. Puis après Johnny Hallyday, Jésus-Christ est un hippie. On y va avec Jean-Yann. Oh. Jésus-Christ dit aux apôtres, suivez-moi, marchez sur l'eau, sans se mouiller les uns les autres, les voilà qui suivent aussitôt. Jésus-Christ a donc ses comiques, inventé le ski nautique, alléluia, alléluia. Jésus-Christ dit qu'on rapporte quelques pains, quelques poissons, je les multiplie par millions, et les Hébreux se réconfortent. Jésus-Christ a donc quelle malice, inventé le self-service. Alléluia, alléluia. Dans le silence du jardin des oliviers, qui je voudrais m'accuser de ma désobéissance. Jésus-Christ a donc ses tuniques, inventé l'autocritique. Alléluia, alléluia. Je suis le sauveur attendu, et lorsque vous ne m'aurez plus, vous pouvez vous attendre au pire. Jésus-Christ a donc quel cynisme, inventé l'après-gaullisme. Alléluia, alléluia. C'est une attitude, je le comprends fort bien, mais il est tout de même curieux que ce soit vous, mon père, qui êtes, excusez-moi, plus âgé, plus mûr que votre collègue, enfin je ne sais pas si on doit dire collègue, disons votre confrère, encore que... Non, dites frère, entre nous, nous nous appelons frère, n'est-ce pas mon père? Oui, mon fils. Et donc, mon frère, pardon, mon père, vous êtes plus âgé que moi. Voyez, le décor est monté. Planté sur la mort et la vie. Pas les gratte-ciels ont fait des petits qui ont dans la tête des nuages. Comme tout ce qui est de cet âge que l'on dit fou, que l'on dit sage, que l'on dit fou, que l'on dit sage. Dieu ne se mange plus. Dieu ne se mange plus. Le projecteur s'allume et jette son solaire sur des lions presque apprivoisés. Disons ce qui doit être dit. Les tenteurs ont fait des petits qui refusent les fouets et les cages. Symboles et signes d'un autre âge. Que l'on dit fou, que l'on dit sage, que l'on dit fou, que l'on dit sage. Dieu ne se mange plus. Dieu ne se mange plus. Le spectacle est à la fois complet et partiel. Représentation continuelle. Chacun de ces numéros se métamorphose selon l'ordre nouveau des choses. Ouvert et public averti, la mort se soumettra à la vie. Dans les coulisses de ce stage attendent les fils d'un autre âge. Qu'on dira fou, qu'on dira sage, qu'on dira fou, qu'on dira sage. Dieu ne se mange plus. Dieu ne se mange plus. Il se existe encore aujourd'hui. Il doit vivre aux États-Unis. Il doit jouer de la guitare et coucher sur les bancs des gares. Il doit fumer de la marijuana avec un regard bleu qui plane. Jésus, Jésus-Christ, Jésus-Christ est un hippie. Poncho mexicain sur le dos, autour de son front un bandeau. Il est barbu et chevelu, il s'est battu à Chicago. Les filles au sein nu, il est né à San Francisco. Oui, Jésus, Jésus-Christ, Jésus-Christ est un hippie. Dans les parcs et le long des docks, il vit dans un sac de couchage. On n'arrête pas de l'arrêter pour délit de vagabond. festival de Woodstock. C'est lui qui soigne les blessés. Oui, Jésus, Jésus-Christ. Oh, Jésus-Christ est un hippie. Son père s'appelait Joe, je crois. Sa mère s'appelait Mary, je crois. Il a 33 ans, je crois. Le FBI lui court après, je crois. Et s'ils arrivent à le coincer, ils mettront notre ami en croix. Oh Jésus, Jésus-Christ. Oh, Jésus-Christ est un hippie. Oui, Jésus. Jésus-Christ, oh Jésus-Christ est un hippie. Ouais Jésus-Christ, oh Jésus-Christ est un hippie. C'est un hippie. Vous écoutez, mesdames et messieurs, entre trois gorgées de brandy, avec Denise Claire à ma gauche, au milieu à la mise en onde, Sophie Pomerleau et moi, Claude Brandamour. C'est-tu correct comme présentation? Hey, oui, mais hein? Dans ces nouveaux studios qu'on utilise, c'est la première fois, moi, j'utilise en gang. Oui, puis qu'on se voit. Qui nous rend heureux. On va c'est dire bravo à tout le monde de CKRL qui ont travaillé fort. Effectivement, parce que moi, je viens de voir ça, puis ça me fait vraiment plaisir. Un environnement extraordinaire. Répétons-le à nouveau, on a eu Jean-Yann, Jacques-Michel et Johnny Hallyday. Puis Jean-Yann, là, sa chanson, c'était « Alléluia ». Puis c'était un acteur, Jean-Yann, hein? C'était un humoriste, un acteur, un écrivain, il a fait plein d'affaires. Mais dans les années 50, la religion, il y avait des misères avec ça. Oui. Il en parlait tout le temps, il bavait. Hein? Il a toujours bavé la religion. Contact, parce que ça, c'est une pièce quand même de 72, fait qu'il était déjà... C'est ça. Fait déjà... Ah, il a commencé les années 50 à avoir de la misère avec les curés. Oui. Fait que Jean-Yann est très drôle. Quand vous voyez ça, un film avec Jean-Yann, qui nous font plaisir de repasser à la télévision, regardez ça, c'est un gars avec un sens de l'humour assez particulier. Ouais. Puis d'avoir de la misère avec la religion, c'est formidable, mais de l'exprimer, surtout dans ces années-là, c'est assez exceptionnel, parce que les gens n'osaient pas rien dire. Hein? Exactement. T'avais encore la chape de plomb. Fait qu'on va avoir beaucoup ça, ce mouvement-là, dans l'émission, là, les années 70, que les gens, là, des baby-boomers, ont commencé à vouloir sortir de cette... d'ecclésiaste. Plus le monde ecclésiaste. Exactement. Puis, bon, je le répète, Jacques-Michel, « Dieu ne se mange plus », vous aviez sûrement compris l'allusion avec le petit morceau, là, toasté. L'esti toasté des deux bars. Apparemment, qui parlait de l'âge que l'on dit fou, que l'on dit sage, mais il chantait avec une conviction. Quelle voix, Jean-Michel! Il avait l'air d'un Jésus à cette époque-là. Exactement! Fait que, comme je disais tantôt, s'il nous écoute, on le salue bien bas. Et Johnny Hallyday, que Sophie semble adorer apparemment, elle dansait en arrière. Hein? S'est levée, puis... Folle. Faisait aller... Parce que moi, je suis une hippie. T'es une hippie. Oui, fait que moi, je me reconnais quand il dit Jésus-Christ est un hippie. C'est ça. C'est la plus grande star en France, c'est Johnny Hallyday. Ouais. Puis c'est un exercice en passant qu'on se lève le matin. Moi, j'avais la bouche un peu pâteuse. J'ai dit, t'es un hippie. Il dit ça 3-4 fois, là, t'es un hippie. Ah ouais, il parle. T'es un hippie. 6-4-0-1-5-8-6, si vous avez envie de nous dire bonjour à nous-mêmes, on va vous dire bonjour aussi. Et Denise, où est-ce qu'on s'en va, là? Là, on s'en va aussi. C'est un petit revers encore ici de Plume la Traverse, que nous aimons tous ici. Plume la Traverse qui a pondu plusieurs albums. Et cet album-là, sur cet album-là qui s'appelait Insomnie Frère. Un beau jeu de mots, hein? C'était pas Insomnifère? Frère. Ah bon? Okay. 1985, on a la pièce « Ainsi soit-il ». Puis ensuite, vous entendrez une pièce complètement hippie des Bel Air qui s'appelle « Kiri Ellison ». Oui, madame. Oh, on aime ça. Alors, Plume, on y va, puis on se voit tantôt. On y va. On enlève nos souliers. Quand je me lève le matin, puis ça va pas trop bien. C'est pareil d'un journaux, puis à la météo, je m'en bats pas parce que moi, ben j'ai sué de mon côté. Je descends dans l'ascenseur, il reste bloqué 2 heures. Belle panne d'électricité, je suis pris entre 2 planchers, même quand y a pas lumière, y a encore Jésus qui m'éclaire. Jésus c'est mon copain, ma branche de sapin, mon sexe c'est mon plaisir, ma pilule pour dormir, c'est l'œil qui me surveille, mon lampion, mon soleil, ma commande d'épicerie, ma divine maladie. Je sors en petit flottant, je rentre dans un restaurant, le grec veut pas me servir, il dit qu'il va me sortir, je suis bien au-dessus de ça, j'ai Jésus dans mon estomac. Je rentre chez l'épicier, j'ai dit que j'ai pas mangé, le plat qui pique une crise, je mange un paquet de bêtises. Ah que Jésus est Christ, il fait jeûner pour que je maigrisse. Jésus c'est mon copain, ma branche de sapin, mon cercle c'est mon plaisir, ma cellule pour dormir, c'est l'œil qui me surveille, mon lampion, mon soleil, ma commande d'épicerie, ma divine maladie. Woo! Sur le trottoir, je m'assis sur un bon verre, je vois une grande fille qui m'embrasse, à mort 150 piastres arrière, la tentation, je pense à Jésus, puis je dis non. Je m'en vais voir mon médecin, parce que j'ai mal au rein, il me dit faut t'opérer, t'as un cancer, Charlie, faut que je retourne dans l'asile. Salut tout le monde, et soit-il. À boire, tabarnak! À boire, tabarnak! À boire, tabarnak! Mes souliers sentent le Brooklyn et mes jeans sont percés, mais j'ai ma tête pour réfléchir. C'est quand même une raison d'exister. Le bon Dieu aimait les fleurs et son fils est venu. Tous les hommes lui ont fait peur. Tout là-haut il est vite retourné. Kyrie eleison, Kyrie eleison, eleison. Kyrie eleison, Kyrie eleison, eleison. Et Polak va fermer. Le Mexique est très heureux. Aujourd'hui, c'est à nous de parler. ARL. On est un pied dans l'eau, long dans la rivière, j'ai un pied dans l'eau, long dans le ruisseau. On est un pied dans l'eau, long dans la rivière, j'ai un pied dans l'eau, long dans le ruisseau. Mademoiselle qui vous a donné ce beau chapeau que vous portez. Mademoiselle qui vous a donné ce beau chapeau que vous portez. Oh, c'est mon ami Pierre, quand je le vois, j'ai le cœur à rire. C'est mon amoureux, quand je le vois, j'ai le cœur joyeux. Toujours perdu dans les danses en ligne? Viens danser le swing! Temposwing.com. Les inscriptions sont ouvertes. Tous les dimanches soirs à CKRL. Nous vous invitons à vivre une expérience unique entre 23h et minuit avec les plus gros succès de house and de swing électro. Vous attendrez un mélange explosif de musique du passé à aujourd'hui, sans oublier les primeurs que nous vous présenterons tout au long de la saison. Avec vos deux animateurs, Guillaume Quentin et Pierre Degobeil, à l'émission House and Swing. C'est un rendez-vous à ne pas manquer! Fêtes, commandez votre bûche de Noël unique avec Équilibre Traiteur. Une bûche au chocolat et mandarine avec biscuits croquants au riz soufflé et zeste confit. De 10 à 12 portions pour 31,75. Vous avez jusqu'au 19 décembre pour réserver votre bûche de Noël par courriel à info@équilibre-traiteur.com ou par téléphone au 418-929-7299. Cueillette des bûches les 23 et 24 décembre au 801 sur la 4e rue dans le quartier Limoilou. Équilibre Traiteur vous souhaite un très joyeux temps des fêtes. Offrez-vous un monde de possibilités avec Garda World, leader québécois de l'industrie de la sécurité. Devenez agent de sécurité et bénéficiez d'horaires flexibles, d'un taux horaire avantageux et d'une carrière enrichissante. Vous n'avez pas votre permis d'agent de sécurité? Pas de souci. Suivez la formation requise au campus Garda World, disponible en ligne et en classe. Prêt à revêtir l'uniforme d'agent de sécurité? Visitez le garda.com/emploi-québec. Vous souhaitez offrir un cadeau local et original? En plus de leurs services d'encadrement et d'impression, les trafiquants d'art proposent une vaste sélection d'œuvres d'artistes internationaux et québécois, tels que Fred Jourdain, Félix Girard, Dréa Collage, Mathilde Saint-Mars et plus encore. Affiches seules ou encadrées pour tous les budgets. Vous êtes incapable de faire un choix? Pas de problème. Les trafiquants d'art offrent aussi des certificats cadeaux. Laissez la chance à votre proche d'explorer notre inventaire. Pour Noël, rendez-vous au Trafiquant d'art, 3e avenue, à Limoilou. Découvre ou perfectionne tes talents artistiques et laisse aller ta créativité. Située au cœur du quartier Saint-Roch, la Maison des métiers d'art de Québec offre des cours animés par des artistes professionnels. Céramique, sculpture, textile, il y en a pour tous les goûts et pour tous les niveaux. Pour un cadeau original, offre le plaisir de la création. Inscris tes amis et ta famille. Les inscriptions pour la session hiver 2020 sont maintenant possibles. Visite-nous au mmaq.com. Par sa mission et son engagement, notre station ouvre ses ondes à des centaines d'organismes ou entreprises communautaires et culturelles. Maintenant, c'est à notre tour de les encourager. Jeunes musiciens du monde, la Maison des femmes de Québec, Centre d'art La Chapelle, Association pour la défense des droits sociaux Québec métropolitain, Production Rhizome. Ils ont choisi d'appuyer CKRL. Bon, je pense qu'on vient de donner le goût encore aux gens d'aller au SQDC. Tu penses? Je pense que oui. Pourquoi? Ah, avec les... avec les Bel Air? Ben oui, puis avec tous nos blocs de hippies. Ah là, ils sont pas rendus là. Mais tu penses qu'ils oui, ils pourraient se préparer d'avance? Oui, c'est ça. Ben, ça leur donne le goût ouais. De consommer, peut-être. Ça, c'est bien, bien possible. Comme toi, c'est des vieux souvenirs, hein, Denise? Très vieux. La belle époque, là, où t'étais T'étais fringante. J'avais la barbe. Puis, tu portais la barbe? Oui, oui, je portais la barbe, la moustache. Non plus. Ni la barbe, ni le maquillage. Non. Ça, c'était à la mode quand j'étais dans mes années. Oui, dans mes années 80. Mais ça me faisait peur. J'avais peur. Par contre, j'ai habité avec deux filles, moi, en appartement, puis il y en a une qui voulait se teindre les cheveux. Puis je l'observais faire, puis je suis curieux, tu sais, je suis allé fouiller dans le contenant avec le stuff. Appelons ça le stuff. C'est noir comme le poil. Elle est blonde brune, elle voulait avoir les cheveux noirs, tu comprends? Puis là, j'ai décidé d'expérimenter ça. Mets mes mains là-dedans, j'en ai appliqué sur mes sourcils. Ben, c'est pas une bonne idée. Ça. On fait... Passons à d'autres choses, mesdames et messieurs. Écoutez, CKRL 89.1, l'émission 3 gorgées de Brandy, où on vient d'entendre Plume la traverse, ainsi soit-il. Et les Bel-Airs. Ah, les Bel-Airs, Danny, c'est-tu un beau nom de groupe, ça? Oui, puis peut-être que je me suis trompé encore, mais il y a un trait d'union là, entre Belle et Air. Exactement. Non, oui, exactement. Ça n'a pas rapport avec Serge Bel-Air, ou Val Bel-Air, ou le Mont Bel-Air, ou Bel-Air direct. Non. Le bel air. Le bel air. Il y aurait ça, mais moi, je pense que des fois, c'est pas très... La source n'est pas dure à suivre. C'est un nom de voiture, un bel air. Ah, mais peut-être que j'ai pensé que c'était du monde qui faisait des fautes d'orthographe dans ce temps-là. Le Chevrolet Bel Air. Je pense que c'est ça, l'affaire de même. Mais Bel Air, me semble que c'est une auto. Ah, fait que les gars qui chantaient, c'était peut-être des vendeurs de chars. C'est des gars de Québec, en tout cas. Je regardais tantôt. On saute aux conclusions. Soyons rapides. Oui. Ouais, c'est des gars de Québec, hein. Eddy Roy, André Réaume, Bernard Vallée, Jean Allen, ils voulaient. Bel Air, ils voulaient. Je pense qu'on a, mis assez de temps sur les Bel Air. Oui. Après tout. T'es plus capable, hein? Bon, on pourrait... Ouvre ton micro, ma belle Sophie. Alors, on pourrait peut-être enchaîner avec... Ah, c'est Claude que... Écoutez. T'es ouverte à tout. Mais ça ne... J'essaie depuis tantôt de changer le son du micro à Claude, que je trouvais qu'il était donc fort. Mais c'est lui qu'il faut qu'il... Mais non, mais je touchais pas au bon piton. Ah. Écoutez, mesdames et messieurs, on fait de la radio communautaire ici. Hein? On n'est pas des professionnels. Alors, on enchaîne avec James B. et l'orchestre de la Gelée Royale qu'on adore. On vous reparlera tantôt. Gelée Royale. C'est toujours bon. C'est toujours bon, James B. Space, vous allez entendre Space Age Santa. Et on s'en va tantôt. Comes to every star. So hang your lights and stockings on the local satellites and hope on Christmas morning Space Age Santa has arrived. Down the old Big Dipper, then the jolly Milky Way, rocket-powered reindeer guided supersonic sleigh. When all the little aliens are opening up their gifts, Santa's back in orbit serving all the earthly kids. It's a bird, it's a plane, it's an astro. Dark side of the moon. He breaks the speed of moonbeams, he breaks the speed of light, just so every planet gets their Christmas right on time. So goodwill to your Martian neighbors and all forms of life, to all the crews that fly the ships through intergalactical skies. Merry Christmas, Happy New Year round the universe. All we want from Santa is a little peace on Earth. It's a bird, it's a plane, it's an astro. Space Age Santa, flying high in the sky with his reindeer by his side. So you better France. Pour 2 minutes 15 secondes. C'était presque triste, hein, ça? Bien, il y avait une beauté particulière. Hector Zazou avec le Père Noël. On le dira pas, il n'y a que des enfants qui écoutent. Il ne viendra pas, en tout cas. Ouais, il viendra pas. Ah, oh, mais il fait juste penser qu'il ne viendra pas, mais finalement, il est venu. Mais Hector, c'est un poète. Il est venu, Claude. Il est venu, puis encore une fois, c'est pas de mes affaires. mais je pense que ça t'intéresse, par exemple. Oui. Ben, c'est parce qu'à chaque fois qu'on entend ce mot-là, on a une inside. On est pour des années à venir, comme on dit c'est toujours. C'est ça, exactement. Oui. Et juste avant, c'était Mathieu Doyon. Jocelyn Guilmette. Jocelyn Guilmette. Et qui d'autre? S. Doré. Sébastien Doré. Sébastien Doré. Est-ce que c'est Sébastien? Hein? Et Mathieu Gérard. Oui. Qui jouait la belle-mère du Père Noël. C'était l'équipe des Verts de la Ligue... D'improvisation musicale de Québec. De Québec de 2002. Je ne sais pas qui a fait le travail, mais je veux saluer la qualité de cet enregistrement-là. C'est un toujours, live en direct. Ouais, de la un salle plaisir là-bas. D'aller à la Ligue d'impro musicale de Québec tous les premiers lundis du mois à l'Impérial de Québec. Ouais. Et ça, c'est paru sur un disque qui s'appelle La Clé Noël Sismique 2. Qui sont des albums plutôt rares, là, mais on a pu mettre la main sur la série. C'était produit ici, à Québec. Oui. La clé de Noël Sismique. La maison sismique là, de Québec. Puis James B. Et ses membres de la Gelée Royale. On a dit ça vite un peu tantôt. Là, c'est The Royal Jolly Orchestra. Puis c'est un orchestre de... C'est des Canadiens anglais. C'est des Torontois. Vous savez, faire un disque de Noël, comment ils pensent? C'est assez ordinaire. T'as pas mal de monde qui font ça. Dans ce band-là, c'est des musiciens extraordinaires. Qui sont complètement à garde. C'est complètement lounge. Pour ceux qui aiment la musique lounge, c'est vraiment un très beau disque de Noël à se procurer. Mm. Et vous avez entendu la pièce de Christmas Cocktail. Excellente musique lounge pour faire votre lounge de part. Exactement. Exactement. Faut toujours faire des... Faut rejoindre les gens, Denise. Là, parce qu'ils sont pas dehors. En passant, nous, on a une vue sur dehors. Il fait tellement froid, puis ça glisse tellement qu'on voit pas, tu sais, ce qu'on voit actuellement à nos émissions de Noël, des gens avec des sacs, des gens avec le front un peu mouillé, un peu fatigué, là, ils savent pas trop, là, tu sais, ils sont désespérés. Surtout parce que... pour ceux qui nous écoutent à l'extérieur du Québec, parce qu'il y en a beaucoup de gens qui nous écoutent à l'extérieur, on vient d'avoir deux jours absolument épouvantables de température, alors on souhaitait que les gens restent chez eux pour... Du verglas. La neige, verglas, pluie. Et faire leur longe de pâte. Oui, et leur biscuit. Et leur biscuit. D'ailleurs, toi, Denise, tu es une spécialiste du biscuit de Noël. Oui, d'ailleurs, j'ai pris une photo, je vais vous montrer ça tout à l'heure sur notre site. Parce que vous pouvez nous écrire sur le site, sur Facebook, on est sur Facebook. Une page qui s'appelle « Entre trois gorgées de Brandy ». Noël à CKRL. Prenez ça en note. Vous pouvez taper juste Brandé ou CKRL. Je pense que vous allez arriver dessus. Ah ouais. Gênez-vous pas, là, commentez. Il y a des photos, mais on va en prendre d'autres. Il y a des vieilles photos, mais là, on a pris des photos de bouteilles de boissons. Car elles serviront peut-être. Oui, parce que nous avons interpellé les auditeurs, les gens qui lisent notre page Entre trois gorgées de Brandy, de nous écrire des anecdotes. Et on a reçu quelques anecdotes, mais on a une gagnante, hein? Ça fait j'avais dit qu'on allait donner une bouteille à la personne gagnante, et nous avons donc une gagnante, et nous avons un gagnant aussi. En fait, on a deux gagnants cette année, hein? C'est-tu fin, ça? C'est donc bien fantastique. Peut-être qu'il y en aura un troisième qui va s'ajouter. Ben non, mais notre deuxième gagnant, c'est un conteur, tu sais, c'est un gars qui raconte des histoires, puis il est là, il va être là, tu sais, bientôt, il va venir nous raconter ça, lui-même en personne. C'est lui, notre invité surprise, oui. Qu'on a parlé tout à l'heure. Fait que ça va venir bientôt, cela, dans l'émission. Ça fait qu'on a beaucoup de musique, on l'a dit tantôt, on a des conteurs, on a des enfants, si on n'a pas toujours eu ça, mais quand on en a, c'est toujours drôle. Il y a des enfants, je ne vous en dis pas plus, là, mais on va s'amuser probablement. Pour ceux qui ont la fibre cute, qui viennent le petit œil tendre, quand entendre des enfants à Noël, c'est pour vous, on va vous flatter. Puis là, on va se calmer un petit peu le pompon pour la musique. Calmons aujourd'hui, c'est fait aussi pour que vous oubliez, là, tu sais, il y en a, là, qui viennent de se faire sacrer, là, par le blanc, le chum, tu sais, qui sont bien down aujourd'hui. Bien, aujourd'hui, c'est fait pour vous remonter le moral un petit peu. Mais juste de le mentionner, peut-être qu'ils vont s'en ceux qui ont... Excusez, c'est vrai. Il y en a qui ont des grosses années, tu sais. Oui. Il y en a qui ont des petites années. Mais c'est leur vie privée, ça aussi. C'est ça. En tout cas, on est là pour vous autres, avec vous autres aujourd'hui. Fait que là, on va écouter de la musique, hein? C'est ça? Oui, exactement. On va écouter le groupe américain Squirrel Nut Zippers avec une pièce, très belle pièce de Noël qui s'appelle Gift of the Maggie. Malheureusement, c'est pas sur... Ils ont sorti un disque la semaine passée, Squirrel Nut Zippers, un disque de Noël, mais que j'ai pas eu le temps de me procurer. Alors, vous allez entendre sur l'album Christmas Caravan. Et puis, très belle voix de Lily Lanken et Martha Wainwright. Une pièce qui s'appelle Rebel Jesus sur The McGarrigle Christmas Hour. On se revoit tantôt. Soul is weary, though Christmas Day is fast appearing. I have no silver, I have no gold to buy my wife a gift this year. To see her sad on Christmas morning is a thing I cannot bear. I'll pawn the watch my father gave me to buy a comb for her hair. Oh, mother, mother, what shall I do? Though Christmas Day is fast appear, I have no silver, I have no gold to buy my love a gift this year. Of your golden hair, for I've traded our only treasure, these silver combs for you to wear. Darling, darling, we've lost our treasure, my gift to you. Of peace, and they call him by the Savior, and they pray to him upon the seas, and in every golden cavern, as they fill his churches with their pride and gold, and their faith in him increases, yet they turn the nature that I worship. worship him from the temple to a robber's den. Alimentex, une épicerie certifiée biologique avec des produits de santé naturelle située à Québec, au cœur de Limoilou. Notre boutique offre un vaste choix de produits naturels santé. Formules et suppléments, aliments biologiques, produits de beauté et tisanes. À tous les premiers mercredis du mois, nous vous offrons 10% sur les produits à prix régulier en magasin. Pour les petits bobos, un naturopathe est sur place pour vous conseiller. Pour les problèmes de santé non résolus, avez-vous essayé Alimentex? Situé au cœur de Limoilou sur la 1ère avenue, au coin de la 12e rue. Alimentex.ca. Prendre un métro vide, ça commence toujours bien la journée. Et faire le vide, ça fait tout le temps plaisir. Mais avoir le ventre vide, ça, c'est moins drôle. Chaque année, la moitié des comptoirs d'aide alimentaire manque de denrées. Textez « remplir » au 20222 pour faire un don de 10$ à la Guignolée des médias ou directement chez Provigo, Maxi, Jean Coutu et Via Capital. La 15e édition de l'opération Panier de Noël du Pignon Bleu bat son plein en partenariat avec Métro Ferland. Cette initiative de chez nous vise à récolter cadeaux et denrées pour 150 familles de la région qui sont dans le besoin. Le Pignon Bleu invite toute la population à faire un geste d'entraide en déposant jouets, vêtements, denrées non périssables ou dons en argent directement au 271 rue Saint-Vallier-Ouest. Les contributions peuvent également être faites en ligne à pignonbleu.org. Merci aux donateurs et partenaires qui rendent possible cette belle chaîne de solidarité. L'équipe du Pignon Bleu vous souhaite de très joyeuses fêtes. En décembre, mettez du soleil dans le temps des fêtes. Le Moulin des Jésuites présente une programmation des plus originales. Noël couleur Caraïbes est l'occasion pour tous d'aller à la rencontre des ultramarins, communauté très présente au Québec, et de vivre ensemble leur tradition du temps des fêtes. Veillées traditionnelles, marché des saveurs, dégustation de rhum martiniquais, expositions et conférences. Noël couleur Caraïbes est offert du 30 novembre au 22 décembre au Moulin des Jésuites, en collaboration avec l'organisme Franco-Caraïbes. Pour en savoir plus, visitez le site moulindesjésuites.org. Découvre ou perfectionne tes talents artistiques et laisse aller ta créativité. Située au cœur du quartier Saint-Roch, la Maison des métiers d'art de Québec offre des cours animés par des artistes professionnels. Céramique, sculpture, textile, il y en a pour tous les goûts et pour tous les niveaux. Pour un cadeau original, offre le plaisir de la création. Inscris tes amis et ta famille. Les inscriptions pour la session hiver 2020 sont maintenant possibles. Visite-nous au mmaq.com. T'as envie de te swinguer à Bacchus? Viens danser le swing. Temposwing.com. Les inscriptions sont ouvertes. On est revenu en onde. Vous écoutez, mesdames et messieurs, CKRL 89.1. Entre trois gorgées de brandy, on a ici à ma gauche Claude Brédamour. Moi-même. Ensuite, à ma droite, l'unique Denise Leclerc. Bonjour. Qui a 37 années à CKRL. Oui. Denise. On va faire 38 ans au mois de mai. Mais t'es-tu la doyenne, coudonc? Ben oui. Commencez alors. Hey. Et là, vous entendez qui vous entendez? Vous entendez notre invité spécial. C'est Jacques Hébert. Je vous Salut. Le présente. Bonjour, Jacques. Hey, bon, mais... hey, moi, je m'entends pas dans mes écouteurs. Ah oh, non, attends, c'est peut-être à cause de moi. Je suis bien capable de t'avoir. Allô, allô? Allô, la Terre? Pardon encore, moi? Oui, je parle. Ah, ben là, je m'entends mieux. Merci, Claude. Bon. Bonjour tout le monde. Bonjour, bonjour, les salut, trois gorgées de brandy. Hey, salut. Fait que toi, t'es un conteur. Moi, j'ai envie de dire que t'es un anecdoteux. Ça se peut-tu ça? Ah oui, oh oui. Oh, c'est bien correct. C'est bien correct. Oui, oui, ben oui, j'aime ça. C'est les contes que je préfère le plus. Uh-huh, oui, oui, parce que moi, j'en raconte des histoires de loups-garous et de canaux qui volent, moi aussi, là, mais ce que je préfère le plus, ce que j'ai le plus de fun, c'est des... C'est le urbain, ce qui se passe dans le présent. Entre autres. Moi, j'ai un petit garçon de la campagne. Moi, j'ai grandi sur une ferme, puis dans un petit village, tu sais. Puis, fait que, justement, étant la tendance est très urbaine dans bien des choses. Mais moi, quand j'arrive avec mes anecdotes des années 70 à campagne, sur une ferme, il y a un petit quelque chose de différent. Okay. Parce que, veux pas, le petit village, la petite campagne des années 70, c'était encore les années 40-50 un peu à certains niveaux. Là. Tu parles de mystère encore, ben, tu peux subsister. Oui, puis c'est que tu côtoies des personnages, tes grands-parents, ton voisin, mon grand-oncle, c'est des gens qui avaient vécu, qui étaient nés avant les années 1900, pour certains. J'ai grandi entouré de gens que aujourd'hui tu regardes juste leur petite vie quotidienne, puis c'est héroïque, là. Tu sais, quand tu dis que j'ai connu des gens, mais qui n'avaient pas l'électricité chez eux, là. Oui. Qui n'avaient pas l'eau courante chez eux, là. Oui, juste prendre une terre et puis l'ouvrir. Juste ça, c'est formidable. Oui. Juste ouvrir un chemin. Fait que toi, tu comptes-tu tes mentrées aussi? Ben, écoute, je participe au concours de contes et mentrées avec les amis imaginaires qu'il y a tout le temps à la fin mars, début avril. Oui, je participe à des concours de mentrées, mais c'est ça. Quand je dis compter des mentrées, c'est parce que c'est un petit peu... C'était à mode en même temps, les gens aiment ça être délinquants. Les gens, oh, ils comptent des mentrées, mais en même temps, moi, c'est des vérités. Bon, aujourd'hui, tu vas nous compter des affaires qui sont vraies. Ah oui. Oui, votre honneur, je le jure. Bon. Toute la vérité, rien que la vérité. Es-tu prêt pour nous en compter un? Oui. Ben oui, une petite anecdote d'enfance. Oui. Parce que Noël, ben, en tout cas, Noël, je sais pas, là, mais je sais pas vous autres, mais Noël, moi, c'est l'enfance, là. Mes souvenirs d'enfance à moi, j'en ai un. J'ai un de mes plus beaux, qui est à la fois un de mes plus beaux et de mes plus bizarres souvenirs de Noël. J'avais, écoutez, ça ne nous rajeunira pas personne, là, un 24 décembre 1972. J'étais tout seul avec mon père dans son Pontiac 1964 rose. Tout seul pour s'en aller à la messe de minuit. Pourquoi tout seul avec mon père pour la messe de minuit? Ben, ma mère était enceinte d'un petit frère, puis j'avais un autre petit frère d'un an. Claude, ben, il était tard, la mère allait s'occuper de... Je sais pas si on avait, me rappelle plus si on avait un petit lunch, un petit réveillon en revenant, mais toujours est-il que j'étais tout seul avec mon père. J'allais à la messe de minuit, tout seul avec mon père. On descendait au village, on habitait dans le rang du Castor, mais on descendait au village. Puis mon père me dit-il pas, en descendant au village, il me dit, Jacques, il dit, tu vas voir, dans la crèche, là, il y a un ange. Puis cet ange-là, là, si tu lui donnes des sous, il va te dire merci. Hey! Là, moi, j'avais 5 ans. Dans ma petite tête de petit gars de 5 ans, là, moi, je te voyais à un de ces anges. Là. Je voyais un ange grandeur nature. Là, ouais. Moi, il allait flotter au-dessus de la crèche. Puis là, je le voyais. Moi, je le voyais en effet spéciaux. Là, puis il allait briller comme un hologramme. Puis il allait être transparent. Puis il allait shiner. Puis s'il était capable de me dire merci, cet ange-là, ben, peut-être que je pourrais avoir une petite conversation avec. T'sais. S'il était capable de me dire merci, peut-être qu'il pourrait me dire bonjour. Genre, peut-être qu'il pourrait me dire joyeux Noël. Genre. Hey, là, je m'étais fait des scénarios. Fait qu'imaginez comment est-ce que j'ai été déçu quand mon père m'a planté devant la crèche devant une petite statue de plâtre de 2 pieds de haut. Puis cet ange-là, ben, il était beau, mais c'était une tirelire. Avez-vous déjà vu ça dans un ange dans une crèche? C'était une statue de plâtre de 2 pieds qui tient comme un sac d'or, un sac de pièces d'or avec une petite fente pour mettre ton argent. Puis là, quand tu rentres ton argent dans la fente de la tirelire, ton argent glisse, ta pièce de monnaie glisse, puis là, elle accroche un petit mécanisme qui fait pencher la tête de l'ange. Fait que là, l'ange, il penche la tête, puis c'est comme ça qu'il te dit merci. Fait qu'imaginez comment j'ai été un petit peu déçu. Là, ma conversation avec l'au-delà, là, c'était pas pour cette fois-là. Là. Mais bon, l'ange était quand même beau, puis j'étais un petit gars curieux, puis je voulais vivre l'expérience. Fait que je me tourne vers mon père, puis ah ouais, donne-moi des sous. Fait que mon père me donne un petit 5 cents. Je mets mon 5 cents dans la fente de la tirelire. Schling, plouc, à rien. À rien pantoute. L'ange, non seulement, il allait pas parler, il disait même pas merci, il faisait rien. Là, je retourne à mon père. Ah ouais, donne-moi des sous. Je remets 10 cents. Rien. Et là, non seulement, je commençais à être déçu, je commençais à être un petit peu fâché. Je me retourne vers mon père. Ah ouais, donne-moi de l'argent. Là, mon père, t'as peu. Mon père, il voulait pas passer son porte-monnaie au complet dans tirelire de l'ange. Là, mon père, dit, il est peut-être brisé. Fait que là, mon père, il prend sa grosse main de cultivateur avec son gros doigt. Puis donne une toute petite pichenote en arrière de la tête de l'ange. Fait que là, l'ange, il incline la tête, puis il me dit merci. Mais vous savez, comme c'est ce qu'il dit à l'église, hein, par lui, avec lui et en lui. Ben moi, je voulais que l'ange, il dise merci par moi, avec moi, puis en moi. Puis je voulais que ça soit à moi qu'il dise merci. Ça soit à cause de moi qu'il dise merci. Là. Oui. Fait que là, j'avais pas les grosses mains que tu fais comme mon père, mais j'ai pris ma toute petite main de 5 ans, là. Puis là, je t'ai sacré une de ces taloches en arrière de la tête de l'ange. Ploc, ploc, ploc, ploc, ploc. La tête de l'ange est sortie de la statue, puis elle a roulé sur le plancher en bois frais de l'église. Ça, c'était avant la messe, avant que ça commence. Tout est silence, là. T'entends juste Madame Chose qui se mouche dans le coin, puis Madame Intel qui tousse à l'autre bout. C'était silence. Là, mon père, il était un peu gêné. Il ramasse la tête de l'ange, je lui remets dans le trou sur les épaules. Hey, là, moi, je filais mal. Je me disais, là, le petit gars de 5 ans, moi, je dis, le monde, ils vont être fâchés après moi. Monsieur le curé, avec sa grande jaquette dorée, il va me chicaner. parce que là, la messe, elle a commencé. Là, fait que là, fallait aller s'asseoir à notre banc. Nous, on avait le banc numéro 13. Fait que là, t'avais à traverser l'allée. Puis là, t'es pas peureux? Ben, ça, pas moi, c'est mes grands-parents. Il y avait des bancs numéro 13 à l'église. Oui, oui. Bon, ça n'est pas trop mal sorti. Mais c'est le banc à mes grands-parents, ils ont posé là. Puis mon père Lucien et ma mère Azel, ils ont continué à louer ce banc-là. Fait que là, ben là, fallait passer dans la rangée du milieu pour voir devant tout le monde. Là. Et là, moi, petit gars, j'étais certain que le monde, il allait tout me pointer du doigt. Puis c'est lui, le petit maudit, qui a brisé l'ange, la crèche. Ouais. Et là, j'étais pas gros dans mes culottes. Puis là, j'étais certain que M. le curé, il allait se fâcher après moi, tout ça. Hey, au lieu de tout ça. Du, petite musique douce. Comme la musique qu'on entend derrière. Oui, ben c'est ça. Petite musique de minuit chrétien qui part dans l'église. Mon père qui me prend par la main. Puis là, on s'en va. On traverse l'allée pour s'en aller à notre banc numéro 13. Puis là, ben au lieu d'entendre M. le curé me chicaner, qu'est-ce que j'entends? M. Adrien Auger, qui était notre voisin, qui avait assisté à mon exploit. Puis lui, c'était un monsieur qui avait du coffre. Puis là, il était pas capable de s'empêcher de rire. Fait comme... T'avais le silence dans l'église, puis monsieur a rire. C'est que là, je suis revenu m'asseoir, puis là, je comprenais pas trop ce qui se passait. C'est pour ça que je vous disais, c'est un de mes plus beaux souvenirs de Noël, mais un des plus bizarres en même temps. Merci, Jacques. Merci, Jacques. Ça fait plaisir. C'est comme ça que je répands la bonne nouvelle. L'évangile selon Jacques. Mesdames et messieurs, il reviendra. Jacques Hébert vous reviendra au cours de la journée pour nous parler d'autres personnages aussi impressionnants que Adrien, Elzéar, Lucien, et toutes ces personnes. Puis là, ben, on va entendre des propos enfantins. Ah oui? Écoutez, là, moi, je suis marraine. J'ai cette grande chance et honneur là, d'être marraine. Alors, nous allons entendre ma filleule, qui a 4 ans. Son nom? Donc, elle s'appelle Estelle. Puis, merci à Jennifer et Mike, à ses parents qui ont joué le jeu là, de lui poser des questions autour de la fête de Noël. Merci à Claude aussi d'avoir édité tout ça. Fait que c'est quelques minutes des commentaires magnifiques de Estelle Labonté à l'émission 3 gorgées de brandy. Aujourd'hui, là, Estelle, là, on va parler de Noël. Toi, là, est-ce que tu sais où est-ce qu'il y a... Où est-ce qu'il demeure, le Père Noël? Le Bétou, le Père Noël? Au Pôle Nord. Au Pôle Nord. Puis, est-ce que le Père Noël, il y a des enfants ou une femme? Il n'y a pas d'enfant, puis une femme. Une femme? Comment qu'elle s'appelle, sa femme? Est-ce qu'elle s'appelle Maman Noël? Je sais pas. Tu sais pas? D'après toi, là, est-ce que le Père Noël est gourmand? Oui. Pourquoi tu penses ça? Parce qu'il adore les biscuits. Il adore les biscuits? Lesquels tu vas leur cuisiner à Noël pour le Père Noël? Au pain d'épices. Au pain d'épices? Fait que tu vas faire des biscuits au pain d'épices pour le Père Noël. Avec des petits boutons qui font en rond, là. Comme d'habitude, là, à Noël, t'en fais, maman. OK. Puis, est-ce que le Père Noël, il y a des reines? Puis d'après toi, là, c'est quoi leur repas préféré des reines? Des carottes. Des carottes? Juste des carottes? Puis comment qu'ils font les reines pour voler dans le ciel? Avec le crayon du Père Noël. Puis avec de la magie qu'on a fait sur le cœur. Là, la magie, elle sort. Là, ils volent. Ils volent? Fait qu'il faut la magie. Est-ce que... mais c'est le Père Noël qui va mettre la magie. C'est le Père Noël qui met la magie. Oui. Alors, il n'y a pas de formule magique pour le traîneau. Ouais. Qu'est-ce qu'il fait, le Père Noël, avec le traîneau? Pourquoi qu'il vole dans le ciel? Parce que s'il ne vole pas dans le ciel, il ne peut pas aller porter les cadeaux. Il va porter des cadeaux à qui? À les enfants. Pas les adultes? Des fois. Des fois. Alors, c'est aux enfants. Puis aussi à les adultes. Puis aussi aux adultes. OK. Puis est-ce que c'est tous les enfants qui reçoivent des cadeaux? Et aussi tous les adultes. Tous les adultes puis tous les enfants. Puis toi, là, tu penses-tu cuisiner des biscuits pour le Père Noël? Avec toi. Avec moi? Ouais. Lesquels que tu veux cuisiner? Un pain d'épices. Tu vas faire des pains d'épices? Oui, avec toi. C'est vrai? Ouais. Tu vas mettre quoi dans ta recette? Ah, je sais pas. D'après toi, là, quel âge qu'il a le Père Noël? Dis un chiffre. Non, pas capable. T'es pas capable? Non. Est-ce que tu penses qu'il y a 3 ans? Non. Est-ce que tu penses qu'il y a 6 ans? Non, je sais pas. Est-ce qu'il y aurait 143 ans? Je sais pas. Tu sais pas? Estelle, c'est quoi la fête de Noël pour toi? Est-ce que c'est de rire puis d'être avec les gens que tu aimes? Non, j'ai plus de pieds. Toi, là, à Noël, c'est quoi que t'aimes manger, Estelle? Ça serait quoi? J'adore le lait de poule. T'adores le lait de poule? Oui. Puis c'est quoi ton souper de Noël? Il ressemble à quoi? Je m'en souviens plus. T'en souviens plus? Oui. Je m'en souviens plus. Puis toi, là, à Noël, qu'est-ce que tu aimes offrir aux gens que tu aimes? Dans les pipis. Maman. Merci, Estelle, pour l'entrevue. Ben oui. Il parle en arrière. Oui. Il y en a un qui nous parle pendant qu'on... Vous êtes assez cohérents, mesdames et messieurs. Il faut au moins le rappeler. Avec la douce voix de Claude Bradamour. Et de Sophie Pomerleau. Et de Denise Leclerc. Et on est toujours en compagnie de Jacques Hébert, ben, conteur de Québec. On est très content de te recevoir, ben, je Jacques. Je suis content d'être là. Je suis très content d'être là. Ben, rapproche-toi de ton micro, moi. Oui, ben oui, ben d'accord. Parce que tu vas nous raconter d'autres choses qu'on a bien hâte d'entendre. On aime ça se faire conter des histoires. Oui, ben, est-ce que j'y vais avec les anecdotes de ben, on va oui, justement, notre oui. auditrice favorite, là, c'est elle qui se remporte, qui gagne le prix de présence, le prix de participation, qui est une belle petite bouteille de brandy. Saint-Rémy, authentique. Hey, French, du brandy français. Tout authentique à part de ça, oui, français, puis tout. Puis, elle s'appelle Monique. Picard. Monique Picard, mesdames, messieurs. Fait que moi, j'invite Monique Picard, là, si vous êtes à l'écoute, Monique Picard, de venir nous rejoindre à CKRL d'ici 15 heures pour ramasser votre bouteille de brandy. Puis ben, c'est Jacques qui va nous raconter ce que vous nous avez raconté comme anecdote sur la page de Entre trois gorgées de brandy. Ouais. Là, je connais pas le thème de la voix de Monique, là, fait que je vais y aller. Vas-y au fil. Le 24 décembre au soir, on s'en va réveillonner à Québec. Il pleut. Nous suivons une Volkswagen qui tombe en panne. On arrête pour aider le chauffeur. Le chauffeur débarque. C'est le Père Noël. Oh! C'est rare! Ça, c'est le 24 décembre au soir. Là, je ne sais pas quelle année, parce que un autre 24... En fait, Monique, elle nous a fait un 2 pour 1. Ben, c'est ça. Le 24 décembre au soir, 1964. Sa famille est venue réveillonner à Québec dans un chantier de construction, parce que son frère travaillait dans le temps des fêtes, puis il pouvait pas être à la maison, puis sa mère, elle considérait que Noël, ça se passe en famille. Ça fait que, ben, la famille de Monique était allée réveillonner avec le frère sur le chantier de construction dans roulotte. Wow. Puis elle dit, je peux-tu vous dire que le genre d'image qu'il y avait sur les murs de la roulotte de chantier, ça avait rien à voir avec la naissance du petit Jésus. Jésus était nu. Ah, je sais pas. Je sais pas s'il était sainte, puis je sais pas s'il était vierge non plus. Ah, en tout cas, oh, j'ai pas dit ça. Non, on n'a pas entendu. Vous voudrez plus m'inviter. Fait que c'était ça, je m'excuse, Monique, là, je vous fais peut-être paraître pour une dévergondée, mais c'est pas vous, c'est votre frère. C'est son frère qui avait ça dans sa roulotte de chantier. Là, mais oui, c'est ça, Monique. L'invitation est lancée. Hein? Oui. Fait que Monique a répondu avec plaisir à notre invitation de nous envoyer des histoires. Il y a même des gens qui nous appellent depuis tantôt, qui nous donnent sur le fly, comme on dit en bon français, des petites histoires. Denise, si tu t'en rappelles, tu me comptes tantôt. J'ai un auditeur qui vient de nous téléphoner pour nous raconter une histoire. Voulez-vous que je vous la raconte? Envoyez donc. C'est rare que je me rappelle d'une histoire, mais là, elle est fraîche. Ouais, vas-y. Une fois, excusez-moi si je la compte pas bien, monsieur, téléphone. C'est quoi? Une fois, c'est un couteau qui rencontre un autre couteau. Puis l'un qui demande à l'autre, « Hey, t'as pas l'air affilé? » Ah! C'est ça que tu voulais dire par une histoire. C'est comme le terme à l'ancienne, j'ai une histoire. Ouais, je viens de comprendre. Mais Denise, t'as pas déjà fait de pogner, toi, à fouiller dans les cadeaux de Noël ou quelque chose? Mon Dieu, oui, c'est vrai, je vais raconter mon histoire. Oui. C'est quoi? Qu'est-ce qui est arrivé? Ben moi, là, quand que j'étais jeune, là, ma mère, là, elle aimait beaucoup que les cadeaux soient enveloppés. Moi, j'aime Noël parce que ma mère était folle de Noël. Fait que c'était décoré un mois avant. Et les cadeaux étaient déjà en dessous de la... Moi, le Père Noël, il passait dans le coin du 11 décembre. Puis, je vais avoir... En tout cas, je croyais encore au Père Noël, me semble. J'avais 7-8 ans, puis il y avait des cadeaux. Puis là, j'ai brassé un cadeau en dessous de l'arbre, tu sais, pour essayer de savoir ce que c'était. Puis j'ai deviné ce que c'était. Parce qu'en le brassant, c'était des crayons de couleur en bois, là, la boîte rouge en velours, là, que à 24 crayons, là, que tu pouvais mettre sur le... Qui se tenait sur le côté. Crayon qui se tenait... Prismacolor. Qui se tenait sur le côté. Parce que moi, je faisais juste ça quand j'étais jeune, dessiner. D'ailleurs, toi aussi, t'es un dessinateur. Fait qu'en le brassant, tu l'as su. Oui, j'ai deviné c'était quoi. Fait qu'il a fallu que je fasse semblant là, le soir, parce que nous, on ouvrait les cadeaux le 24 décembre avant d'aller réveillonner. Oh. Et j'ai été obligée de faire semblant que je ne savais pas mon cadeau. Puis je pense que j'ai dit ça à mes parents, j'étais rendue à 25 ans, que j'avais deviné ce cadeau-là. Aïe, aïe. Mais j'ai plus jamais après, jamais, jamais que j'ai brassé un cadeau en dessous de l'arbre, parce que c'est vraiment plate. Il y a une chose, Denise, c'est que quand tu es allée à la messe, puis il y avait la confesse, mais tu avais une vraie histoire à raconter. C'est vrai. C'est contrairement aux autres. Il fallait pas que tu inventes. Inventé. J'ai mangé trop de bonbons. Ouais, c'est ça, oui. En même temps, c'est pas un drame quand on y pense. C'est pas bien grave, mais ça t'a frappé. T'as un petit sentiment catholique qui s'est emparé de toi. Ben bon, on a-tu le temps que j'en raconte un petit? Ouais. Ben oui. On va faire ça, puis on mettra de la musique après. OK, parfait. Après les pubs. Hey, Denis, j'ai été pas mal plus mal commode que toi, mais je me suis fait dompter. Parce que j'avais peut-être 11 ans, tu sais, à l'âge où on commence à se garder tout seul de temps en temps, là. Ben, j'étais tout seul dans la maison. Ma mère était partie faire des commissions. Ça que là, ben, j'étais allé dans la chambre de ma mère, j'étais allé fouiller dans le garde-robe de mes parents. Parce que des fois, on trouvait des affaires que ma mère, elle achetait, puis elle mettait ça là en attendant. Fait que j'ai trouvé des bandes dessinées de Luc et Luc que ma mère, elle m'avait achetées, puis qu'elle voulait me donner à Noël. Mais là, fait que là, je m'installe sur le lit de mes parents, puis je lisais mon Luc et Luc, tu sais. Mais sauf que là, ma mère, elle avait oublié de quoi? Elle est revenue. Puis là, tout d'un coup, j'entends ses pas dans l'escalier qui était en train. Fait que là, oh non, qu'est-ce que je fais? Fait que là, j'ai fait semblant que je m'étais endormi en lisant la bande dessinée. Ma mère était comme tiraillée entre « il faut que je le chicane, mais je suis trop crampé ». Elle était là « ouais, je te pogne ». Fait que je l'ai pas refaite ben des fois après ça. C'est drôle. Hey, moi aussi, j'en ai eu une histoire. Ben, ça n'a pas rapport avec les cadeaux de Noël, mais il y a quelques années, j'avais une grosse famille. J'étais en famille recomposée, là. On avait 6 gamins. Fait que je préparais un ragoût pour le temps des fêtes. Avec amour, là. Tu sais, j'avais tout préparé mes boulettes avec du persil dedans, puis des épices, puis des oignons coupés petits, là, tu sais. Puis là, j'avais tout préparé mes boulettes. Puis là, après ça, j'ai pris mon grand chaudron, puis là, je les ai fait cuire, tu sais. Puis là, j'ai tourné délicatement pour les briser, parce que du ragoût de boulettes, on aime ça quand c'est bien beau, les boulettes. Fait que j'en avais de la boulette, je remplissais un gros chaudron, là, une grosse marmite. Et puis là, donc, je dis, à la place de mettre de l'eau de robinet, je vais mettre de l'eau de source. Ça va être bien meilleur. Fait que là, je m'étire le bras, puis je ramasse le cruchon d'eau de source qui était dans mon garde-manger. Puis là, j'envoie ça dans mon ragoût, là. Glop, glop, glop, glop, glop, glop. Il devait y avoir 8-10 tasses d'eau là, là-dedans. Fait que là, je remonte mon feu, tu sais. Puis là, ça commence à sentir. Fait que là, je fais, ben voyons donc, ça sent donc bien bizarre. Hey, j'avais mis du vinaigre blanc. C'était épouvantable. Gâché. Oh. Gâché, mon ragoût. Immangeable, insauvable. Oh. Non, c'est sûr. Ça devait avoir un petit goût de Arvanésie. On n'a pas mangé. Non, vous n'êtes pas revenu. Il a pris le bord des poubelles. Oh. C'était épouvantable. Oh. Tant d'amour dans ces boulettes. Ben oui. Oh. Bon, on part un peu, mais on va revenir. Pour ceux qui viennent, qui roulaient en auto, qui ont allumé la radio par hasard, ou ils ont accroché le bouton, ça arrive, ces choses-là. Ben oui. Vous êtes à CKRL, entre 3 gorgées de brandy. Puis on a du stock comme ça jusqu'à 3 heures. Fait que restez avec nous. Puis si vous avez des commentaires, 6-4-0-1-5-8-6, gênez-vous pas. Et on se revoit tantôt. Il y a des belles choses qui s'en viennent. CKRL. Je suis une voix. Je suis un message. Communication et culture. Le Quartier des Arts de Québec vous accueille sur l'avenue Cartier avec la 5e édition du parcours Lumière sur l'art, créé sur mesure par l'artiste multidisciplinaire Jocelyn Robert. Participez à une chasse au trésor dans le quartier Montcalm avec une carte ou votre cellulaire pour découvrir la source des 34 images présentées sur les luminaires. Un projet rendu possible grâce à la Société de développement commercial de Montcalm, au Musée national des beaux-arts et à la Ville de Québec. Visitez le quartierartquebec.com. Pour les fêtes, commandez votre bûche de Noël unique avec Équilibre Traiteur. Une bûche au chocolat et mandarine avec biscuits croquants au riz soufflé et zeste confit. De 10 à 12 portions pour 31,75. Vous avez jusqu'au 19 décembre pour réserver votre bûche de Noël par courriel à info@équilibre-traiteur.com ou par téléphone au 418-929-7299. Cueillette des bûches les 23 et 24 décembre au 801 sur la 4e rue dans le quartier Limoilou. Équilibre Traiteur vous souhaite un très joyeux temps des fêtes. À la librairie Pantoute, les livres sont testés sur des libraires. Ce mois-ci, Gabriel de la succursale du Vieux-Québec vous suggère « Orange amère » de Anne Patchett chez Actes Sud. Par son style évocateur, subtil et un brin méta, l'écrivaine signe ici l'un de mes gros coups de cœur de l'année. « Orange amère » m'a fait perdre quelques nuits de sommeil et je parie qu'il en sera de même pour vous. Et Joël de la succursale de Loretteville vous propose « Pas pressé » de Lily Pinsonneau aux éditions Québec-Amérique. La plume, aussi sensible que frappante de l'autrice, nous amène à ne vouloir que le meilleur pour sa protagoniste. Pas pressé est un livre qui réchauffe le cœur. La librairie Pantoute, une librairie indépendante, à visiter dans le Vieux-Québec, à Saint-Roch et à Loretteville. Tu aimerais améliorer ton français écrit? Apprendre à lire? Prendre part à une création théâtrale? Suivre des ateliers d'initiation à Internet, iPad, Facebook, Excel ou Android? Réintégrer le marché du travail si tu es prestataire du programme d'aide sociale? Participer à des ateliers de francisation? Le cœur à lire. Pas de gêne, pas de stress. 418-841-1042. La tournée de la veillée des fêtes de Karaté est de retour. Invité les 7 décembre, Saint-Jean-de-Port-Joli. 12 décembre, Almou. 13 décembre, les Escoumins. 14 décembre, Jonquière. 20 décembre, Frérichburg. 21 décembre, Carbonne. 27 décembre, Québec. 28 décembre, Masquinongé. 30 décembre, Saint-Casimir. Les deux albums de Karaté sont disponibles maintenant en magasin et en ligne. Maybe we'll get it on the first pass. Maybe, if you're lucky. You'd be so lucky. We'd be so lucky. Good people, this Christmas time, consider well and bear in what our good God for us has done in sending His beloved Son. With Mary holy we should pray to God with love this Christmas day in Bethlehem. On that morn, there was a blessed Messiah born. Near Bethlehem did shepherds keep their flocks of lambs and feeding sheep, to whom God's angels did appear, which put the shepherds in great fear. Prepare and go, the angel said, to Bethlehem. Be not afraid, for there you'll find this happy morn, a princely with thankful heart and joyful mind, the shepherds went this babe to find. And as God's angel had foretold, they did our Savior Christ behold within a by His Son, the Virgin. should pray to God with love this Christmas day in Bethlehem. Upon that morn there was a blessed Messiah born. Chanter une chanson de Noël que tu aimes. Oui. Petit Papa Noël, quand tu descendras du ciel avec tes joujoux papillés, n'oublie pas mon petit soulier. Il est temps d'attendre que le jour se lève pour forcément apporter tous les beaux joujoux que je vois en rêve et que je t'ai commandé. Petit Papa Noël, quand tu descendras du ciel avec tes jeux papillés, n'oublie pas mon petit soulier. Il est temps que le jour se lève pour voir si tu m'as apporté tous les beaux joujoux que je vois en rêve et que je t'ai commandé. Oh, merci Célestin la bonté. Merci Célestin. Je pense qu'on est tendre hein, cette année. On est assez tendre. On met toutes sortes d'affaires tendres comme ça. Excuse-moi, qu'est-ce que tu allais dire? Ah non, des jouets éparpillés. Ouais, c'est beau. Ouais, hein? C'est beau. Et Célestin vous reviendra. Il va revenir parce que. Il a ses affaires à compter, lui aussi, oui. Avec sa mère. Puis ouais. Je pense que ça valait la peine de le mettre en valeur. On verra bien. Les charmants enfants. Oui, mais j'essaie de mettre de la musique en dessous, mais ça... Je vais chanter, moi. Oui. Ah, ben oui. Parce qu'on a toujours Jacques Hébert avec nous qui va nous conter quelque chose encore. Dont le flasque n'est pas encore ouvert. Non, le flasque. Il y a un beau flacon devant lui. Oui, je le trouve, assez solide pour un flasque. Exactement. Oui, c'est ça. Petit jeu de mots. Oui, ben écoutez, j'ai un petit récit comme ça qui est une adaptation d'un texte de Paul Auster, qui est un grand écrivain américain. Puis vous avez envie que je vous raconte ça? Oui. Oui, mais je l'ai adapté un peu comme si c'était un bon vieux Québécois qui racontait ça. Là. Ça s'est passé le mercredi avant Noël, il y a une couple d'années de ça. Le chœur de chant de la paroisse avait fini sa pratique. Les décorations de Noël étaient en place, il y avait des couronnes de sapinage sur toutes les colonnes de l'église, ça remplissait la place d'une bonne odeur de résine. Dans le cœur de l'église, il avait été dressé un grand sapin de Noël artificiel. C'était là où ce qu'on pouvait déposer des denrées non périssables puis des dons pour l'opération des jouets pour les petits. Il y avait une petite pile de cadeaux au pied de l'arbre. Il était presque minuit, mais on était encore dans le parking, un de mes chums de la chorale puis moi. Les autres membres de la chorale étaient rentrés chez eux depuis un bon bout. On avait éteint les lumières dans l'église. On avait verrouillé les portes de la façade, mais la porte de la sacristie, elle, sur le côté, est jamais barrée. Pendant qu'on jasait, mon ami puis moi, il y a un Jeep 4x4 rouge qui est rentré lentement dans le parking. Quand le conducteur nous a vus, il a reviré de bord. Demi-tour, il est reparti. Oh. C'était un peu étrange. Ça nous inquiétait. Il y a des églises qui se font vandaliser des fois, vous savez. La porte de la maison du bon Dieu est toujours ouverte. Ce qui fait que de temps en temps, ça arrive qu'un ivrogne vienne s'échouer dans la sacristie pour cuver son vin. Ou d'autres fois, pour boire le vin de messe, puis ensuite voler le service de l'hôtel en or. Ça s'est déjà fait par le passé. La vaisselle du bon Dieu, il y en a qui trouvent ça attrayant. Mais le passage étrange comme calculateur d'un 4x4 assez luxueux, ça nous a donné un peu à réfléchir. Mon ami puis moi, sur le coup, on a figé. On n'a rien dit. Une fois notre conversation terminée, ben on s'est salué et on est monté chacun dans notre char. Mais moi, je suis pas rentré tout de suite chez nous. Pas tout de suite. J'ai fait le tour du pâté de maison, puis je suis revenu à l'église. Ben, à mon retour, comme je pensais, la Jeep était bel et bien stationnée aux côtés de la porte de la sacristie, puis il y avait de la lumière dans l'église. J'ai attendu un peu dans mon char, passablement nerveux. Puis finalement, j'ai fini par oser débarquer, puis je suis rentré dans l'église. Prêt à recevoir une balle dans la tête à tout instant, j'ai traversé le couloir extérieur qui menait à la sacristie de l'église, en allumant des lumières puis en faisant ben du tapage pour qu'on sache que j'arrivais. Je voulais pas avoir affaire à des intrus qui auraient été affolés par l'effet de surprise. À mi-chemin, fouillez-moi pourquoi, je me suis mis à chanter les anges dans nos campagnes, assez fort pour qu'on m'entende un peu partout. En rentrant dans l'église, je me suis tourné vers l'autel, puis là, j'ai vu un homme puis une femme que je connaissais de vue. C'était des gens de la paroisse. De ma place dans le chœur le dimanche, moi, je vois tout le monde. Puis cette femme-là, elle s'assoit toujours sur le bord de l'allée centrale, dans le 7e banc à droite. Cette femme-là a une bien belle voix de soprano, puissante, pure. J'ai même déjà demandé si ça lui tenterait pas de faire partie du chœur de chant, mais elle est trop timide. En général, cette femme-là, elle vient toute seule à la messe. Mais je savais que l'homme à côté d'elle, c'était son mari. Je l'avais vu une couple de fois. Mes deux intrus tenaient chacun dans leurs mains un immense sac en plastique blanc rempli de jouets. Il devait y en avoir pour au moins 500$ dans chaque sac. Il était en train de déposer le butin en dessous du sapin artificiel pour l'opération « Jouets pour les petits ». La femme m'a adressé un sourire un peu gêné en posant le doigt sur ses lèvres. « Pas un mot à personne, s'il vous plaît. » J'ai hoché la tête sans rien dire, puis je suis reparti. La femme puis son mari devaient approcher la cinquantaine. Je savais 2-3 affaires sur eux autres, comme le fait qu'ils n'avaient pas d'enfants. Il n'avait jamais pu en avoir. Il était stérile. Ben, il n'y a pas de punch à mon histoire. C'est tout simplement une chose qui est arrivée. Sauf que, Quand je suis rembarqué dans mon char pour rentrer chez nous, j'ai braillé pendant tout le trajet du retour. Cette histoire-là s'est passée quelque part dans le Massachusetts. Ça aurait pu se passer ici. Ça aurait pu se passer ailleurs. Mais n'importe où, où est-ce qu'on trouve encore des bonnes armes, dans le fond. La voix fantastique. Wow! Merci, quel beau camp. De Jacques Hébert. C'est bien gentil, merci. C'est un texte de Paul Auster, le mercredi avant Noël. Fantastique. C'est très bien. Oui, on passe en musique. Et merci, Paul Auster, mais je pense qu'il ne nous écoute pas. Mais c'était absolument magique. Oui, Zaza, on va revenir à notre obsession de tantôt pour Jésus. Jésus. Ça va arriver une couple de hippies, là, parce qu'on est beaucoup dans le thème cette année. Oui, alors ça revient. Voici Zaza, le Père Noël est un hippie. Il y a une chanson aux années 60. Puis on va s'en reparler tantôt. Là, restez là, on est dans la profondeur, puis on va peut-être le rester encore même, mais il y a beaucoup d'affaires qui brassent pas mal qui s'en viennent. On est toujours dans la profondeur, Claude. Toujours. Qu'est-ce que tu dis là, toi, là? Oui. Donc, Zaza, et on va revenir tantôt. Sur la terre. C'est l'affaire qui nous a mis sur la terre. Pouvez-vous voir l'affaire? Non, parce que l'affaire n'a pas de corps. Qu'est-ce donc l'affaire? L'affaire est une seule affaire. Qui a fait l'affaire? Personne. L'affaire a toujours été l'affaire. L'affaire nous voit-elle? Oui, l'affaire nous voit toujours. L'affaire connaît-elle tout? Oui, l'affaire connaît tout. Où est l'affaire? L'affaire est partout. Combien y a-t-il d'affaires? Il n'y a qu'une seule affaire. combien y a-t-il d'affaires dans l'affaire? Il y a trois affaires dans l'affaire. Quelles sont les trois affaires dans l'affaire? Les trois affaires dans l'affaire sont l'affaire, l'affaire et l'affaire. Les trois affaires font-elles trois affaires? Non, les trois affaires ne font qu'une seule affaire. Pouvez-vous comprendre que ces trois affaires dans l'affaire ne fassent qu'une seule affaire? Oui! Chou! Danaise, parle-moi de Brother Mitch. Il s'appelle Mitch Metzger. Vous pouvez même aller sur son site Internet. C'est un missionnaire qui a eu comme l'appel de Dieu quand il était dans l'armée. C'est un gars de 40 ans à peu près. Et là, dans cette pièce-là, on était où? En quelle année? Ben, on était en quelle année? Genre en 2010. Hey! Là, 2015. Bon, ça ressemblait à une commune. Oui. Intense, là, bien longtemps. À part le son qui était plus présent. Il n'y a pas grand-chose d'autre de lui. Lui, il fait des conférences, puis il répand la bonne nouvelle. Là. Juste avant ça, Raoul Duguay, Walter Boudreau et Nicole Corps ou Corpse? Corpse, c'est marqué Corpse. Mais okay. Tu sais, eux autres, ils écrivaient le nom à l'envers. Hein? Son, peut-être qu'il y a eu une erreur de frappe. C'est Corpse, oui. Ça fait Sprock? Non, non, c'est O-R-P-S, c'est comme Corps. Enfin, ouais, c'est marqué corps à l'envers, c'est marqué sport, là, quelque sport. Chose comme ah, ça. Quand tu lis les noms, la, sa ah, pochette okay. de disque, tous les noms des artistes sont écrits à l'envers. Ah. C'est un beau trip de Raoul Duguay. Je te reconnais bien, Denise. Raoul Duguay, Walter Boudreau. Je sais pas quand on écoute le disque à l'envers, qu'est-ce qui se passe? 1969. 69 à l'envers, un instant. Ça, c'est les Beatles. L'affaire 69, l'Infonie. Je ne peux que répéter encore une fois que les disques de l'Infonie sont réédités. Portez attention si vous avez la chance. C'était avant-gardiste et complètement pété, mais très, très brillant. Ça n'a pas été réédité pour le rien. C'est vraiment, vraiment bon. Un peu long pour rien. Exactement. Ah ouais. Puis juste avant, Zaza, que nous avons essayé de confondre avec Zaz. Zaz, ben oui, donc c'est ça. Ça n'a pas marché. J'ai fait comme notre premier ministre, Claude Legault. Hein, j'ai confondu. Claude Legault. Je les ai confondus. Toujours est-il que, à l'heure où il est, comme je disais qu'il y a des choses belles qui s'en viennent, il faut qu'on débouche. Alors, nous débouchons nos bouteilles. Oui. Saint-Rémy est ouvert. Moi, j'ai une canette indiquée bière de coin de rue. Oh, merci. On va boire une petite gorgée. Je vais boire la bière de coin de rue. Et donc, on a trois chansons pour boire. J'en ai tout le temps dans cette émission-là de Noël, mais Denise en a trouvé trois français en plus. Et puis, on va commencer... on va finir avec Robert Duval. Ouais. Rien à voir puis, avec le comédien, pas ça? Non, mais Dick Rivers, j'ai décidé de... Ben, je l'aime beaucoup, mais c'est parce qu'il est mort cette année, lui. Hein? Il est mort le 24 avril 2019. Dick Rivers est mort? Ouais. Dick Rivers est mort. Il avait une carrière. Il avait 24 ans. Le classique. Il avait fait sa couleur avant de mourir. C'est ce qu'on dit à chaque année qu'on parle de Dick Rivers. Cry me a river. Oui. Cry me a dick. Cry me a dick. Cry me a dick. I didn't say that. On fait un festival d'été, on avait peur qu'il y ait des dégoulines de teinture. De teinture. Parce qu'il y avait plus à son show. Tu sais, quand il y avait chaud, il s'essuyait. On checkait voir s'il y avait la main noire. Heureux que baiser une étoile, mais aussi heureux. Exactement. Oh. Ah ouais, écoute, si c'était pas de Québec, si c'était pas de Québec, le Dick en question n'aurait plus eu de carrière. Non, c'était Dick. Dick, alors voici petit bloc pour boire. Mes chers amis, moi j'ai une petite annonce à vous faire. On a des pubs à passer? Oui, mais tout à fait. Est-ce qu'on les passe tout de suite? Ah oui. On enchaînera après ça avec... Il va être rendu 3 heures. Non, 2 heures. Hein? Ben oui, 2 heures. Il va être rendu 2 heures, pardon. Disons 14 heures. Il va nous rester heures, une belle heure. Ah, parfait. On enchaînera après ça avec ce bloc de Dick River qu'on aura abondamment commenté avant même qu'il joue. Ben vas-y, oui. Sophie, on s'en reparle tantôt. Et en plus, on va entendre les enfants dans la troisième heure. Ouais. Ça va être beau. On s'en reparle tantôt. C'est KRL 89.1. Les Sœurs Boulay prennent la route du Québec pour présenter leur tout nouveau spectacle. Venez y découvrir les chansons de leur plus récent album intitulé « La mort des étoiles ». À trop boire, à la source des faiseurs d'histoire, dans la course à la meilleure tempête. Pour plus de détails sur la tournée, visitez lessœursboulay.ca. L'album « La mort des étoiles » est disponible partout. Découvre ou perfectionne tes talents artistiques et laisse aller ta créativité. Située au cœur du quartier Saint-Roch, la Maison des métiers d'art de Québec offre des cours animés par des artistes professionnels. Céramique, sculpture, textile, il y en a pour tous les goûts et pour tous les niveaux. Pour un cadeau original, offre le plaisir de la création. Inscris tes amis et ta famille. Les inscriptions pour la session hiver 2020 sont maintenant possibles. Visite-nous au mmaq.com. Dans le numéro d'automne de Nuit Blanche, le livre jamais lu du poète Michel Plot. Assis sur ma galerie du quartier Saint-Jean-Baptiste, j'ai une superbe vue sur les Laurentides. Montagne, je vous écoute. la poète Ilnou Marie-André Gill et Je suis une maudite sauvagesse. Vivre ce paradoxe m'est souvent insupportable, mais je continue quand même pour la seule raison que je suis née dans ce monde. À découvrir, entre autres, une entrevue avec Caroline Georges, Notre-Dame littéraire, Parole vivante. Abonnez-vous, nuitblanche.com. La salle de spectacle Le Dauteuil célèbre son premier anniversaire sur Saint-Joseph. Pour l'occasion, Le Dauteuil présente un week-end de festivités. Samedi le 14 décembre, spectacle gratuit du groupe Our Home in Space, suivi d'un open jam ouvert à tous avec instruments disponibles sur place. Dimanche le 15, c'est le groupe Lane qui ouvre la soirée, suivi aussi d'un open jam en collaboration avec le Gin Supersonic. Vous souhaitez offrir un cadeau local et original? En plus de leurs services d'encadrement et d'impression, les trafiquants d'art proposent une vaste sélection d'œuvres d'artistes internationaux et québécois, tels que Fred Jourdain, Félix Girard, Dréa Collage, Mathilde Saint-Mars et plus encore. Affiches seules ou encadrées pour tous les budgets. Vous êtes incapable de faire un choix? Pas de problème. Les trafiquants d'art offrent aussi des certificats cadeaux. Laissez la chance à votre proche d'explorer notre inventaire. Pour Noël, rendez-vous au Trafiquants d'art, 3e avenue, à Limoilou. Oh, je possède un ami merveilleux. Voir maman pleurer. On parlait, c'est le on parle. Nick fait son petit. Plusieurs années, on parlait sur cette musique-là. On appelait ça musique pour parler dessus. Ah oui. Je ne veux pas voir écoutez ça. Maman pleurer. Souviens-toi comme tu l'avais trouvée belle. Souviens-toi comme tu l'avais trouvée belle. Mais tu sens quelqu'un qui boit trop. Tu l'as il marié. Oui, je marié. T'as du monde qui boit trop, qui sont agréables. T'as du monde qui boit trop, qui ont vin. Hey, toi, t'es capable de faire des... Je t'ai non, t'es capable de tout faire. Son ventre, tu le savais. Ah ouais. Vie privée. Je peux monter où, je peux descendre. Ah, non, vie non. S'il te plaît, ne bois pas trop pour Noël. Je veux pas voir maman pleurer. Ah, Saint-Rémy, priez pour nous. S'il te plaît, ne parle pas de toute celle que t'as trouvée pour la remplacer. Il est trop tard pour vous raccommoder. Je suis un peu trop grand pour vous aider. Non, mais tu sais, il imitait les chœurs d'Elvis. Pour une fois oui. Essayez, qu'on fait essayez. Semblant ben, oui. D'être une famille. Mia. Arrange-toi pour ne pas tout gâcher. Dick. Bon. S'il te plaît, ne bois pas trop pour Noël. Pas voir maman pleurer. Claude avait pris son bain de nuit. Il sort, on sort. Pour je citerai avec méthode tous les clubs de Saint-Germain. Je dois préparer la boisson de l'Alexandre jusqu'au whisky. Et je serai mort depuis longtemps quand les autres seront encore vivants. Ce soir je vais boire, ce soir je vais boire. Ce soir je dois boire, ce soir je dois boire, pour tout oublier. Dans un état que je ne décrirai pas, je sortirai de chez Castel et l'on me retrouvera chantant, assis dans une poubelle. Sous une date chez Régine, avec 15 couvettes en bonne mission. Ce soir je vais boire, ce soir je vais boire, tu ne peux t'aimer. Ce soir je dois boire, ce soir je dois boire, car on est oublié. Ce soir je vais boire, ce soir je vais boire, tu ne peux Et moi, je connais beaucoup Claude François. Oui. Hein, c'est mon plaisir coupable. C'est ton ami à toi. Et maintenant, Robert Duval. Robert Duval. Ouais. Vas-y, mon père. Vas-y, mon Robert. Est-ce qu'on m'a demandé de faire un discours? Non. Non. Je vous signale tout de suite, c'est mesdames et messieurs, que je vais parler pour ne rien dire. C'est le monde de vous. Je sais. Vous pensez, s'il n'a rien à dire, il ferait mieux de se taire. C'est trop facile. C'est trop facile. Vous voudriez que je fasse comme tous ceux qui n'ont rien à dire et qui le gardent pour eux? Eh bien non, mesdames et messieurs, moi quand je n'ai rien à dire, je veux qu'on sache. On va en faire profiter les autres et si vous-même... On le change. On va se faire plaisir. On va y aller vers Robert Duval. Checkez bien ça, allez. Checkez bien ça, allez. Qu'est-ce que c'est le jour de l'an sans le whisky là? On vit de bien durs moments sans le whisky là. Nous les bons gars du Québec, on n'a rien pour se mouiller le bec sans le whisky blanc. Mon minou qui dans sa bière veut noyer toutes ses misères. Réussira pas vraiment sans un bon coup. Whisky blanc. Qu'est-ce que c'est le jour de l'an sans le whisky blanc? On vit de bien durs moments sans le whisky blanc. Nous les bons gars du Québec, on n'a rien pour se mouiller le bec sans le whisky blanc. L'Ontario, la très anglaise, ne fut jamais si française. On y voyage par milliers pour aller se désaltérer. Qu'est-ce que c'est le jour de l'an sans le whisky blanc? On vit de bien durs moments sans le whisky blanc. Pour les bons gars du Québec, on n'a rien pour se mouiller le bec sans le whisky blanc. Si l'alambic du grand-père vous apporte trop de misère, je peux vous trouver un mec et moyenne en 20 piastres bien sonné. Qu'est-ce que c'est le jour de l'an sans le whisky blanc? On vit de bien durs moments sans le whisky blanc. Nous les bons gars du Québec, on n'a rien pour se mouiller le bec sans le whisky blanc. Attention à la frontière, à la force constabulaire. Les bandits peuvent s'amuser car la police est occupée. La police là-dedans, dans ce cas-là. L'année, je pense. Ouais. Je pense qu'on... Je pense qu'on a débouché peut-être un peu vite, puis on a déliré pas mal dans ce bloc. Ben oui, même que moi, j'ai parlé à micro... Exactement. Découvert. Oui. Alors, je répète, pour ceux qui étaient vraiment intéressés, Dick Rivers, Claude François, qui était pas dans son bain, il était plutôt habillé et prêt à partir, et Robert Duvall, qui n'est pas l'acteur, mais qui aussi n'est pas un chanteur. Non, parce qu'on a pu vivre. Il n'est pas un chanteur, puis il y a à peine 3,45 tours dans sa carrière. Il est chanceux, moi j'en ai zéro. Ouais. Ça fait quand même 145 tours, 135 tours. Exactement. 3 fois 5, 15, 3 fois 4, 12. 3 fois 45. Avant qu'on se perde, mon cher ami Jacques, qui est encore là avec nous. Allô? Il me restait quelque chose à vous présenter parce que le frère de la petite La Bonté de tantôt qui jasait avec sa mère a voulu parler lui aussi. Mm-hmm. Fait que il y a une autre petite entrevue de Noël, mais accompagnée d'une belle valse swing et de grands classiques de l'émission Les Gorgées de Brandy. Ça va être un mélange de quelques grands classiques, puis vous attachez vos trucs avec de la broche et on va avoir beaucoup d'affaires. On peut-être se rendre malade, on ne sait pas. Sophie, vas-y. Alors, Célestin, aujourd'hui, on va parler de Noël. Es-tu prêt? Oui. OK. Où habite le Père Noël? Au Pôle Nord. Combien de rêves qu'il a, le Père Noël, Célestin? Je dirais à peu près dans la ligne de 100. Il y a 100 rêves, le Père Noël? Mais pas vraiment, mais en tout cas, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup, fait qu'il y en aurait 100. Ben, il y en aurait beaucoup, en tout cas. Tu connais-tu quelques noms de reines? Le renne avec le nez rouge. Il s'appelle comment, lui? Le renne au nez rouge. OK. Non, j'en connais pas d'autres. Mais il y en a 100, hein? Ça doit être dur à retenir, ça, tous les noms des reines. C'est normal. À Noël, là, qu'est-ce qu'il fait, le Père Noël? Il livre les cadeaux. Puis d'après toi, là, est-ce que c'est tous les enfants qui reçoivent des cadeaux? Non. Ceux qui reçoivent pas de cadeaux, c'est pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas été sages cette année. Est-ce que toi, tu penses cuisiner des biscuits pour le Père Noël le soir de Noël? Oui. Puis lesquels que tu vas cuisiner? Des biscuits au chocolat. Ah, ça c'est parce que c'est ses préférés? Oui. Puis, le Père Noël, là, il y a un grand atelier avec des lutins, mais d'après toi, combien qu'il y en a de lutins à son atelier? Je sais leur dire. Le dire 20 ou 30 ou 40. Plus 60. Donc, il y a 60 lutins dans l'atelier. Ben, je crois. Pour toi, là, quand on parle de Noël, c'est quoi la fête de Noël pour toi? La fête de Jésus. Du petit Jésus? Oui. Puis à Noël, qu'est-ce que t'aimes manger comme repas avec ta famille? Du ragoût, des betteraves, aussi la tarte et des pins, mais plein de choses. Tout ça? Oui. Qu'est-ce que t'aimes boire le soir de Noël? Du lait de poule. Du lait de poule? Là, je vais vous parler de la dinde parce que c'est la dernière semaine qu'on peut parler de la dinde. Alors, il y en a partout. Qui va me faire comme autrefois quelqu'un me faisait une extraordinaire dinde complètement désossée, reconstituée, bourrée de charcuterie, cuite pendant des heures dans un coton à fromage, refroidie judicieusement et dont les tranches en travers nous donnaient une extraordinaire poésie de charcuterie entourée de viande de dinde avec une mayonnaise persillée. Rien qu'à y penser, j'ai tout le menton mouillé. Hello? Bonsoir? Joyeux Noël? Joyeux Noël? Joyeux Noël? Allô? Bonne nuit. Bonsoir. Allô? Oui. As-tu moi, là? Oh oui. Bon, là, je vous souhaite bonne fête à ma petite Denis Blouin, là, que j'aime bien. Et puis, je vous souhaite bonne fête à ma femme, à Roland, oui. À Jocelyne, toute l'équipe de votre équipe. Puis, en passant, Rachel, monsieur et madame Jean-Paul Lefebvre, en 86. J'espère qu'il va être mieux qu'en 86. Merci beaucoup. Mon frère, à Saint-Germain, vient de l'arrivée. Oui. Puis Janine, ça c'est parfait. Il est bien moins des autres. Mais Paul Lefebvre, puis Rachel, l'arrivée de vie, là, en pensant qu'il m'écoute, il veut rien savoir des autres. D'accord, salut. Je vous souhaite une bonne Noël. Paul Lefebvre, puis Rachel, il veut rien savoir des autres. D'accord, salut. Je vous souhaite une bonne Et oui, Noël. Merci. J'avais, moi, une grosse pierre sur le foie qui ne pouvait pas passer et finalement, on m'a opéré, coupé à peu près 10 pouces de long, enlevé la vésicule biliaire. Mais l'opération était longue. Savez-vous pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas trouvé la roche. Et le chirurgien me disait après, on l'a cherché puis on ne l'a pas trouvé. Où est-ce qu'elle était passée? Je vais vous dire, et Dieu m'entend, et je vous dis la vérité, je vous le jure. La veille, j'ai dit à cette pierre, comme Jésus parle à l'arbre, j'ai parlé à la pierre. J'ai dit, Pierre, sors de ma vésicule biliaire, je te l'ordonne. Tout cela au nom de l'amour de Jésus, que Jésus a pour moi. Et le lendemain, je suis rentré pour me faire opérer. Mais plus bizarre de tout cela, 36 heures après l'opération, j'étais sorti parce que j'étais trop bien. Mais il n'y avait plus de pierre. Il n'y avait plus de pierre. Il n'y avait plus de pierre. Elle était partie. J'avais parlé à la pierre comme Jésus a parlé à l'arbre. C'est KRL. On est surpris. Oui, on est surpris. C'est ça qui arrive. J'avais encore une petite bouchée de biscuits. Une petite bouchée de chip au vinaigre. Ils sont bons, tes biscuits, ouais. Denis. Ouais. Des bons biscuits aux fruits confits. Fruits confits avec du coconut puis du miel. Ça n'arrête pas d'être bon. Bon, Denis, c'était des vieux souvenirs. Ça t'a-tu fait du bien? Ton moment préféré, c'était quoi dans les vieux souvenirs? Oh. Là, ce qui vient de jouer. Oh, excusez. Ben, moi, c'était Célestin. C'est un nouveau souvenir. Oui, un nouveau. Ouais, il est fantastique. Surtout lorsqu'il quantifie, hein, 30, 40, ouais. 60. Vraiment 60. Moi, je ne vais pas commenter parce qu'il est peut-être à l'écoute. Ben oui, c'est parfait. Ben, merci, Célestin. Merci, Célestin. Jenny, Jennifer et Mike, c'était fantastique. On est content d'avoir tes souvenirs de Noël. Mm-hmm. L'accompagnement, c'était un groupe français, le trio Amuse-toi. Puis les autres, les grands classiques, ben, vous les avez sûrement reconnu, un certain André Arthur, accompagné d'une madame qui l'a invité à l'époque, juste avant de faire 2-3 semaines de temps, il a invité cette madame-là pour parler des spéciaux dans l'épicerie. Exactement. C'est ça qu'elle faisait. Pas de bon sens. Il était commandité. Il était commandité, puis ça sortait de même. Ouais, elle faisait sa chronique, puis elle faisait le tour complet. C'était une absurdité. Et je parlerai pas trop de moi, mais j'étais payé pour écouter ça. Et Deverchère Mercier pour les plus vieux. Il faisait son émission de Noël, pour ceux qui savent, qui se rappellent de lui. Les gens qui étaient tout seuls pendant les fêtes, qui téléphonaient. C'était assez beau. Hein, les gens de 70 ans et plus, là, ils doivent se rappeler de Verschère Mercier. Ben ouais. Moi, j'ai même pas 70 ans, je m'en rappelle. À quel âge? C'est ma vie privée. Oui, il n'y avait pas ça dans mon coin, là, en campagne. Non. écoutait pas. Pierre Lacroix, c'est un bon compteur, on l'a déjà dit, mais c'est tout. C'est, je veux dire, c'est un compteur, pas un compteur, c'est un. Menteur. Un bonimenteur. C'est ça. Bonnie. Ouais, ouais, ouais. Pas rien que menteur, il était bon. Bonimenteur. Ah, oui. Il mentait pour des bonnies, en fait. C'est un nouveau pas mot, ça, Claude ou non, non, je vais travailler ça. Bonimenteur. Ceux qui, dans les premières années du cinéma muet, il y avait, souvent, il y avait un bonimenteur. C'était sa job, c'était de commenter l'action. Exactement. Ah, intéressant. Ouais, ouais. Exactement. Souvent, oui. Ce bonimenteur-là, il était accompagné d'un pianiste. Au piano. Ça s'appelait bonimenteur. Oui, dans les cours de cinéma, il raconte ça. Ouais, ouais, ouais. Puis on a fini avec Pamplemousse. Ça, c'est des Américains. Ils ont fait un petit jeu de mots avec un mot français. Il est prononcé comme à la française avec Dance of the Sugar Plum Fairy, qui est un classique. Puis là, tu vas nous présenter quoi? Ben non, premièrement, juste dire qu'on est encore là. Ah, Denise, ouais. Jacques et toi. Puis, c'est ce qu'il y a 01586. Vous avez venu nous jaser, dire bonjour. Puis, le prochain bloc, ça s'appelle Ton Pusher, c'est Jésus. Je te l'avais promis de lire. Oui. On revient à Jésus. Là, y a-tu des. Le petit Jésus ou le grand Jésus? Ici, je dirais le grand Jésus. Okay. Tu vas savoir pourquoi. Ah, d'accord. C'était quoi? C'est en anglais, mais tu vas savoir pourquoi. OK. Puis, non, c'est une thématique. Denise. Ben oui, aujourd'hui, c'est le. C'est fort. C'est très fort. Ben, quand t'as une recherche, tu te sens pas bien, là, puis tout ça, la plupart des gens se tournent vers Jésus. Quand c'est Léa, tourne vers Jésus. Ouais. C'est quand même une force qui lâche. Une tendance. Puis là, ben, c'est des vieilles pièces des années 50, 60. 70, 80 même. Je fais comme le petit gars tantôt. Mais quelqu'un qui... Oui, pas des preachers, mais un gospel solide qui dit que Jésus nous frappe comme une bombe atomique. Vous écoutez 3 gorgées de brandy. Everybody knows about the atom bomb. Nobody knows a day my Lord will come. He's gonna hit like the atom bomb. When he comes, Lord, when he comes. 1945, atomic bombs became alive. 1949, the USA got very wise. They heard about the country way across the line had an atom bomb the very same time. People got worried all over the land like they did over in Japan. Everybody knows about the atom bomb. Nobody knows the day my Lord will come. He's gonna hit like the atom bomb. When he comes, Lord, when he comes, soon the day of judgment will be drawing near. That will be the day you'll see my Lord appear. He will show his children how to find the light, lead them down the pathway that is straight and right. Jesus has more power than the atom bomb. When he hits, you'll know it and you'll surely run to the rock of ages there to hide away. And the times are coming on the judgment day. Everybody knows about the atom bomb. Nobody knows a day my Lord will come. He's gonna hit like the atom bomb. When he comes, Lord, when he comes, brother, don't get worries on your mind. Seek in Jesus and you shall find peace and happiness, joy divine. Put my Jesus on the line. God told Elijah he would send the fire, burn the world at his desire. Told brother Noah about the rainbow sign. No more rain, but fire next time. Everybody knows about the atom bomb. Nobody knows the day my Lord will come. He's gonna hit like the atom bomb. When he comes, Lord, when he comes. Everybody knows about the atom bomb. Nobody knows the day my Lord will come. He's gonna hit like the atom bomb. When he comes, Lord, when he comes. When he comes, Lord, when he comes. Shyness, now they're calling me your highness, and the world screams, kiss me, son of God. I destroyed a bond of friendship and respect between the only people left who'd even look me in the eye. Now I laugh and make a fortune off the same ones that I tortured, and a world screams, kiss me, son of God. I look like Jesus, so they say, but Mr. Jesus is very far away. Now you're the only one here who can tell me if it's true that you love me and I love me. I built a little empire out of some crazy garbage called the blood of the exploited working class. Now they're calling me your highness, and the world screams, kiss me, son of God. CKRL 89.1.

On a encore du bon stock. On va vous ramener sur terre un peu. Denise, c'est ce qu'on fait. Stock. Oui, oui, c'est vrai. T'avais pas une histoire, toi, de ta grand-mère? On a du bon stock. On a les biscuits. Oh oui, bon stock. On a des biscuits. Les biscuits, les biscuits aux fruits confits à Denise. Mais ben, moi, Denise, tes biscuits, il faut que je te dise, sont aussi bons que ceux de ma grand-mère. Oh! Oh oui. C'est un compliment, ça. Parce que ben, moi, comme bien des anciens enfants, on est tous des anciens enfants, etc. Moi, j'ai bien des beaux souvenirs de Noël en rapport avec mes grands-parents. Ben, des beaux souvenirs, des souvenirs de grand-mère, là. La plupart, il y en a plusieurs que ça c'est en lien avec la nourriture. Hein. Mm-hmm. Ben, moi, ben, c'était pourtant pas de la. Ma grand-mère, c'était pourtant pas ni un cordon bleu, ni une ceinture noire, là. C'était pas de la. C'est pas de la haute gastronomie. Avais-tu le pouce vert? Oui, probablement. Oreilles jaunes, les oreilles jaunes, les oreilles jaunes, les doigts jaunes, ils fumaient. Moi, mon grand-père, il avait le doigt jaune. Il fumait, ouais. Oui. Mais ma grand-mère, avec ses petites mains, là, elle te faisait de la magie. Mais premier, c'était loin d'être une sorcière. Là. C'était une madame bien comme il faut de son époque. Une ben bonne, quoi, qu'est-ce une qu'elles bonne ont, les sorcières? Puis... Qu'est-ce qu'elles ont? Ben, ouais, en tout cas. Bon. Non, mais non, personnellement, je les aime, les sorcières. Mais là, on remonte à l'époque de ma grand-mère. Là, tu sais, ça m'a vu, une sorcière. Là, exactement. Ouais. Ça, je voulais. Tu le situes dans le temps, pas de problème. Je vous situe dans le temps. Vas-y. Mais ma grand-mère, quand moi j'étais petit gars, ma grand-mère, un beau souvenir de bouffe avec ma grand-mère, ben, c'est tout simple, c'est les toasts. Oui. Ma grand-mère, elle pouvait te prendre une tranche de pain blanc, tout ce que plus ordinaire, mm-hmm. puis elle te faisait avec ça la toast la plus extraordinaire. Premièrement, elle répondait à tous mes caprices. T'sais, des fois, c'était du cheese whiz, des fois, c'était du beurre de peanut, des fois, c'était de la confiture à framboise, carmélite, là, t'sais, avec de la pectine dedans. Avec de la pectine. Hey, tu m'enlèves les framboises de la bouche. Des fois, du caramel grenache. Ouais. Mais ce qu'il y avait de plus magique, là, c'est qu'une fois que la toast était bien beurrée, ma grand-mère a tourné l'assiette pour que... Là, je vais vous demander un petit effort visuel, mais vous allez voir, c'est pas si compliqué que ça. Parce que une toast, ça a toujours le dessus arrondi, hein, oui. Puis la base est carrée. Ouais. Bon, mais ma grand-mère a tourné l'assiette la tête en bas. La tête en bas... Ben, pour que la partie arrondie soit en bas. OK. Elle tournait pas la toast, elle tournait l'assiette. Laisse-la faire. Laisse faire, ma grand-mère. Chacun sa technique. Oui. C'est que là, la partie arrondie se retrouvait en bas. Ouais. Puis là, ben, elle la séparait avec son couteau à beurre. Elle faisait comme une petite demi-lune. Hein? Okay. Elle la mettait à part. Puis là, ensuite, ma grand-mère avait pas fait bien des années de géométrie à la petite école. Là. Mais là, elle prenait le restant carré de la toast. Là. Puis là, elle te faisait un beau 45 degrés avec ça, avec ses petits doigts de grand-mère. Puis là, elle te faisait deux beaux triangles qu'elle venait placer juste au-dessus de la petite demi-lune. Oh. Puis c'est là... Oh. Il y en a peut-être qui l'ont vu, c'est là qu'apparaissait ma toast devenait un petit bateau à voile. Oh! Fait que moi, dans ma petite enfance, j'ai navigué sur des océans et des mers de Cheese Whiz à bord d'un bateau au beurre de peanut. Moi, je souhaite tellement qu'il y ait des souvenirs comme ça, tout le monde en a. Fait que là, vous avez des enfants, des petits-enfants, mais c'est le temps. Faites des toasts en forme de petits voiliers. Tu fais ça, toi, à tes kids? Ben. À tes enfants? Ben. Des fois, ça saute une génération. Ouais, j'espère que oui. Là, je le fais à mes petits-neveux, mes petites-nièces. Waouh! Je promets, Jacques, que je vais recycler cette phrase-là. Je vais aller le chercher sur l'émission. Oui. Une mer et. Non, des mers et des océans de Cheese Whiz. Ouais, je vais garder ça. Ben, j'espère. Il y a quoi c'est à faire. C'est peut-être ça. Pour ça que je suis rendu intolérant au lactose. Oui. J'en ai colline que j'en ai mangé. Ben, moi, ma mère, quand elle faisait des rôtis, là, c'est une de mes grandes frustrations de mon enfance. C'est qu'elle mettait pas du beurre de pinot tout le tour. Elle en mettait un que dans le milieu. Ah, colline. Fait que là, tout le tour du pain et de la rôtie, là, il n'y avait rien. Il goûtait, la croûte n'avait pas de saveur. C'est plat. Oh, oui, c'était bien plat. Ouais. Elle avait d'autres qualités. Une chance. C'était... Elle n'avait pas la croûte beurrée. Elle n'aimait pas la croûte beurrée, ta mère. C'était notre bout alimentaire. Ouais. Vous avez l'eau à la bouche. Bon, on a-tu le... Qu'est-ce qu'on fait? Ben là, il nous reste deux blocs. Moi, je veux qu'il joue. Hein, je veux qu'il joue. Il faut que ça joue. Bébé, il faut que ça joue. Fait que Barra McNeil, Denise, oui, le prochain bloc. Ouais, Barra McNeil, puis Maggie et Mac O'Connor. Un petit bloc un peu irlandais. Ah, on y va. On the road, the frost is glistening, people stream from midnight mass. Friendly candles glow in windows, strangers greet you as you pass. Home then to the laden table, ham and goose and pints of beer. Whiskey handed around in tumblers, Christmas comes but once a year. Yep. eggs and treacle, cedar, raisins and brown suet, sifted breadcrumbs and mixed spices, grated rind and plenty fruit, cinnamon, ginger, clove and nutmeg, porter, brandy and olive. Don't forget the wine and whiskey, Christmas come but once a year. Fussin' in the kitchen, lay the food on every plate. Men are patient in the hallway, gulping quarter while they wait. Who cares if there's no tomorrow? Now's the time to spread good cheer. Pass the punch around the table, Christmas comes but once a year. Who cares if there's no tomorrow? Now's the time to spread good cheer. Pass the punch around the table, Christmas comes but once a year. Un mélange, cette tune-là, ils ont mis comme des d'autres pièces qu'ils ont mis dans cette pièce-là. Oui, c'est brillant. Ouais. Ouais. Morricone. Oui. Il joue un petit quelques mesures de cette chanson-là. Oui, c'est un bel hommage. Ça s'appelait Jerusalem Ridge. De Maggie et Mark O'Connor. Puis avant ça, Barra McNeil. Puis ça s'est passé rondement, comme qu'on peut dire, cette émission noëlesque. On peut revenir tantôt, dire bon, juste en train de, on s'en va à la fin, mais on peut revenir après le prochain. On aime ça venir. Oui, on a des années à venir. Qui n'aime pas ça? C'est ton running gag. Oui. Bon. Pour faire plaisir aux gens, puis ils nous écoutent, ils sont encore là, puis se faire plaisir à nous, j'ai monté un blog pour finir qui s'appelle dont le titre, on ne dit pas qu'il s'appelle, le titre, Sa fausse puis sa graphine en estif. Ça va être beau, ça. Oui, exactement, parce que estif, c'est le mot qu'on disait quand on était jeune, parce qu'on n'avait pas le droit de dire des gros mots, on rajoutait un petit F. Oui. Nous, on disait estifi. Estifi, ouais. Christifi, Christif. Mm-hmm. Fait que ma sœur disait estif, c'est de mes coachs, je salue. Esprit aussi. Esprit, ça, oui, c'est exactement. Vrai. Puis, on disait souvent qu'on aimait ça, des trucs qui faussent. Hein? On a parlé de ça tantôt au début, quand on a commencé. Il va en avoir. Tu vas pas me faire chanter. Ben, il y aurait ça, mais... Pas besoin de te faire chanter, tu chantes tout seul. Vers la fin, on trouve, vous allez entendre un orchestre dont la définition... Ils ont toujours faussé, puis ils ont vendu grâce à ça, parce que c'est tellement bon comme faussage. Oh. The Portsmouth Symphonia. Ils vont maganer, détruire le casse-noisette. Juste avant, La Voix, Turchon, Pagé, les Québécois, l'album à vos soins. Puis, Le Petit Chien, Madame, Denise, qu'on met à toutes les années, des années 30. Et il y a une dame du genre qui est à l'église et qui est sur le premier banc. Tu sais, le premier banc, il y avait, avait de l'argent. Puis, il chantait plus fort que les autres. Ah, oui. Là, on en parlait. Mais il y avait le droit parce qu'il y avait de l'argent et il avait payé le banc. Exactement. Oui, il avait payé leur banc. Puis là, il fallait qu'ils démontrent qu'ils ont une importance. Ils chantaient plus fort. Et ces dames-là vibrationnaient un peu trop. Vibrationnaient. On va leur rendre hommage avec un vibrato puis donner en barque sa tente. Mais juste avant. Et t'es pas game. Juste avant, là. La chanson du temps des fêtes au Québec, là, pour toutes les générations, là, la chanson de fin d'année, qu'est-ce que c'est? Ben, d'après vous. Ce n'est qu'un au revoir. Non. Saint-Berger. C'est le temps d'une dinde. Non. Minuit chrétien. Ah, ben oui! Puis, ça a toujours été ça. Bon, c'est très important. Puis le monde, hein, ça lui donne le goût. Parce que ça dit une chanson de fin d'année, c'est pour ça que. Ouais, c'est ça. Mais là, oui, la messe de minuit, exactement. Puis, chanson de Noël. On a un ami. Minuit chrétien. Oui, Minuit, qui nous avait trouvé cette interprétation assez surprenante des sœurs Rosio. Rosio. Les sœurs Rosio en 62. OK. Puis, il y a trop de vibrato. C'est tout. Je sais pas. Avez-vous entendu cette voix? C'est ça l'idée. Hein? C'est ça. Ah oui, allô. Fait que là, allez-y au toast, mettez le volume bien fort chez vous à la maison, écoutez les sœurs Rosio qui nous livrent Minuit chrétien d'une version insupportable. Ça, vous avez des verres de cristal, par exemple, c'est dangereux. Tassez vos verres, faut pas que ça se touche. C'est parti. On se revoit tantôt pour la fin. Alors, Célestin, aujourd'hui, on va parler de Noël. Es-tu prêt? Oui. OK. Où habite le Père Noël? Pas noir. Combien de rêves qu'il a, le Père Noël, Célestin? Je dirais... petit chien, madame, votre petit chien perdu. Votre chien, madame, votre petit chien perdu. Dites-moi donc, petit menteur, mon petit chien ne sort plus. Dites-moi donc, petit menteur, mon petit chien ne sort plus. La musique arrêtée, la danse terminée, faut alors se quitter. La musique arrêtée, la danse terminée, faut alors se quitter. Ça doit être plus difficile de jouer comme ça que de jouer la vraie partition. Détruire le casse. Ben, ça dépend de ton niveau de talent, j'ai l'impression. Ouais. Mais c'est un beau, il y a des fois, c'est beau parce que souvent c'est le punch, c'est supposé être important. Là, puis là, c'est la note la plus fausse. Ouais, c'est jamais ça. Juste dans le punch. Moi, ça doit être très difficile de jouer faux. Ouais. Ben, je sais pas, moi j'ai assisté au spectacle de musique des enfants des de secondaire. Enfants, là, c'est ce que j'allais dire. Ouais, aussi. C'est ça. Les premières années de violon là, à 5-6 ans. Là. Ouais, mais là, ils arrivent, ils sont timés par exemple. Oui. sont sur le pont. C'est volontaire, c'est volontaire. Il doit y avoir un chef, là. Oui, un chef. Ouais. Un chef qui faut. Il est de dos à l'orchestre. Eh ben, bon, ben, il faut dire un bonjour. Ouais. C'était formidable, Claude. Merci, Sophie. Claude Rindamour, Sophie Pomerleau. Merci, Jacques Hébert, de la belle présence. Denise Leclerc. Merci, tout le monde. Merci pour votre écoute aussi à la maison. Merci à tous les auditeurs qui nous ont écoutés, à ceux qui nous ont écrit, qui nous ont téléphoné. C'est toujours un grand plaisir d'être là. On vous promet rien pour l'année prochaine. Telle une Et telle une Dominique Michel. C'était mon dernier. C'est on ne promet rien pour l'année prochaine. Hein? Joyeux Noël. Bonne année tout le monde. C'était les trois gorgées de Brandy. Alors, dans quelques instants, Michel Bonaparte va vous accompagner pour la fin de l'après-midi. Au revoir. Cette émission est disponible en balado-diffusion.